Mais en tout cas, je voudrais franchement tous vous remercier, en tout cas. Oh, c'était un plaisir d'avoir bossé avec vous à Fun Radio. Je remercie, bah là, je vais pas remercier tout le monde, toute l'équipe, parce que c'est ça va être très long sinon. Mais je vais vous dire quand même que c'est une belle famille ici. Franchement, c'est une famille quoi. Me faire chialer, ce non, mais oui, mais c'est vrai, mais avant tout, voilà. Non, c'est parce que je veux prolonger mon stage, c'est pour ça. C'est ça. Si, si tu dois retenir un truc, oh, Nathan, sur Fun Radio, c'est oui. quoi? Ça serait quoi, Nathan? La beauté, la joie, la bonne humeur, le fun surtout, il y a un côté fun ici, enfin je... T'en fais trop, Nathan, t'en fais trop, non? Oui aussi. Ah bon. Oui. Voilà, donc c'était vraiment 6 mois de bonheur. Merci Nathan d'avoir été avec nous. Merci Nathan, on va pas y passer la nuit. Merci. Salut Nathan. Écoute-le, allez, prends tes affaires et dégage. Ça, Michael. Bonsoir Michael. C'est que ce stagiaire là. Comment ça va? Ah, bon, tu fous le camp là, je te sens par les cheveux moi. Tu sens l'équipe d'en face, comment ils les traitent, les leurs. Ils sont jaloux, ils sont jaloux. Je voulais juste savoir, il finit quand vraiment ton stage? Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, bah t'as encore le temps de faire des cafés. Voilà. C'est ça. Bon, il y a les mecs de la sécu, ils vont venir te chercher, t'inquiète pas, on va te ramener à la porte. Un cours sans touillette? Cours sans touillette et sans sucre surtout. Très voilà, bien, c'est parfait. 45 minutes, j'arrive. Très bien, eh ben, c'est parfait. Nous, on est là jusqu'à 2h, donc on est pépère, hein, t'as le temps et pas de soucis. Ouais. Bisous. Bon, bonne soirée émission. À vous. Salut, allez, salut, ciao, bye bye. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les 3 vœux. Alors, que Mickaël, nos limites durent longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Qu'est-ce qu'on était bien hier avec Jared Leto. On a passé une soirée très très fucking ouf, comme il dirait. J'espère que vous avez été voir la vidéo très très fucking ouf justement de la commande de pizza. Je vous l'ai mis sur le Facebook hier soir. Vous pouvez bien sûr aller la voir maintenant. Facebook.com/MIKL officiel. N'hésitez pas. Vous avez déjà plusieurs milliers à aller voir ça. Et surtout à voir rigoler, parce que putain elle est drôle pour le coup. Non, c'est très bon, très on a drôle. Rien fait, c'est lui qui a fait tout le taf. Mais il a commandé une pizza en direct dans l'émission. Pizza qui est arrivé d'ailleurs, photo qui est d'ailleurs visible sur le Facebook, l'Instagram, le Twitter, bref, tout est disponible sur internet, il n'y a aucun problème, vous pouvez aller voir. Quand je vous dis justement qu'il se passe enfin quelque chose à la radio le soir, je ne vous mens pas, donc dites-le autour de vous, hein, on est sur Fun Radio, 23h, 2h, du lundi au jeudi, et le dimanche de 20h à minuit. Il y a également Julie qui est avec nous, bonsoir Juju. Salut Mickaël. Comment vas-tu ma belle? Ça va. Bon, tant mieux, passez une bonne journée. Oui, tranquille. Ça va, très bien, tant mieux. Bon, est-ce que t'as écouté l'émission hier soir ou pas? Non, hier soir, j'étais pas chez moi. Eh ben, oh là là là là. T'as raté la soirée très très fucking ouf. On a vu Jared Leto et qui on s'est bien marré d'ailleurs. Vous avez été nombreux à nous en reparler aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est dommage, t'es pas écouté Julie. Ah là là là là. Bon, c'est pas grave. Tu te rattraperas certainement ce soir, y a pas de souci. Bon, Julie, on va parler de quoi dans 2 minutes avec toi? En fait, on va parler du fait que je suis lesbienne depuis que j'ai 13 ans et que du coup, je me demandais si je ratais quelque chose justement avec les hommes. Ça dépend, je vais répondre à ta question. Combien mesures-tu? Je mesure vers 1m60. Combien pèses-tu? 55 kilos à peu près. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Et la taille dans les pantalons que tu as achetés? 38. Ouais, tu rates des choses. Ouais. Mais pas avec toi. Ouais, mais pas avec toi. Ouais, non, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Ouais. Bon, écoute, on va reste avec nous, Julie. On va parler avec toi dans quelques minutes. La bouge pas de là. Et puis, on a Sandro également qui est au standard là, en pleine forme. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 en pleine forme. Ouais, en pleine forme. Bon, très bien. Il est déjà débordé, donc forcément, oh là là, ça. Ah, bah, c'est difficile. Ça sonne de partout. Il y a Yadov qui est au taquet également avec ses amis. Hein. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ta bite sur la tête, je vais te couper ta croissance, toi. Oui, bah voilà. Ah, que voilà, d'amour. C'est ça. Enculé de tarasse. Oh, exactement, oui. C'est ce qu'il avait dit, oui. Bon, alors, on a également Polo Taquet avec, bien sûr. Là, il se remet péniblement, doucement, mais difficilement même, de son expérience aux Jeux Olympiques d'hier. Écoutez, je suis un sportif de haut niveau, je me suis blessé la main. Eh, mais même tof. J'ai l'épaule en compote et j'ai mal à la fesse droite. Moi, j'ai mal au coccyx et rien à voir avec Astérix. Et, Oh la vanne de merde. Oh putain. Il est puni, tu veux pas le punir? Une minute. Une minute. Bon, alors, dès le début déjà. Ouais. Carton jaune. Carton jaune. Hop, attends, merde, j'ai mis le mauvais chrono. Hop, voilà, c'est parti. Pendant une minute donc, avant qu'il puisse revenir. Non, c'est normal, il y a un moment, faut quand même pas se foutre de notre gueule non plus, quoi. Bon, dites-nous d'ailleurs si vous avez envie d'écouter un son en particulier. Il y a la vidéo également des Jeux Olympiques de la Luge, donc, qui est disponible sur le Facebook, je vous l'ai mise. Vous pouvez aller voir ça maintenant, facebook.com/MIKL officiel. Allez voir, likez, partagez, comme d'habitude, avec vos amis pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission. Car oui, effectivement, il se passe enfin quelque chose le soir à la radio. Julie, t'as envie d'écouter un truc en particulier, toi ou pas? Si tu peux me mettre Marry Me de Jason Derulo, ça serait bien. Oh, Marry Me, so sweet. Oui, bah je peux te le mettre dans quelques minutes, y a pas de problème. Attends, je vais le noter sinon je vais oublier. Alors, Jason Derulo, merde. J'ai fait de la merde, il y a tout, c'est éteint là. Hop là, voilà. Alors, Marry Me, voilà, hop là, voilà. Je te le cale tout à l'heure sans problème. Et toi, t'écouterais quoi, toi, Rémi, qui est avec nous déjà pour la colle là? Salut Rémi. Salut Mickaël. Ça va? Ouais, ça va, toi? Bah oui, très bien, très bien. Alors, attends deux secondes, Rémi. Voilà, ça y est, c'est fini, la punition est passée. Je peux raconter pour ma main ou pas? Non, bah du coup t'as raté ton coup, c'est pas grave, je reviendrai demain. Bon, Rémi, t'as envie d'écouter un son particulier ce soir ou pas toi? Franchement non, d'accord, ok, parce que sinon j'avais écrit le son de Austin Nicki Minaj avec Damn, y'aura aussi Fatboy Slim. Le nouveau Major Lazer également, avec Shana Paul. Il y aura aussi Daft Punk. Et puis rien que pour toi Julie, attention. Voilà, je te le passe tout à l'heure en entier Julie. Pourquoi tu veux cette chanson-là? T'as envie de... Non, je sais pas, c'est la Saint-Valentin là. Ah oui, bon, ça fait presque une semaine là, la Saint-Valentin là. C'est bon, faut sortir de là maintenant. Et c'était Noël, donc je voudrais un cadeau. C'est ça, c'était Noël. Bon, eh ben, on va passer tout ça. Si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah, demandez hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission par exemple. Il n'y a aucun problème, il y a Kali aussi qui dit bonsoir tout le monde. Et bonsoir l'équipe, bah, bonsoir Kali. Pareil pour la suite avec JF et Crystal. Ouais, et vous êtes nombreux à avoir demandé qu'on rappelle Jean-François. Je t'aime, tu sais. Ah oui, j'imagine bien, ouais. On était au taquet hier soir avec ça. Au début, je te laisse ta chatte. Voilà. Trop tard, j'ai joué. Il était au taquet. T'es en train de te masturber? Bah oui, donc c'était Jean-François qu'on a rencontré hier. Je mets ma main en tien, ton bazar. Voilà, c'était très très classe, hein. Je suis en train de masturber, je bande. Ah là, c'était... C'était beau, c'était glamour. Bah c'était Jean-Philippe, quoi. Jean-François. Moi, je te prendrais par derrière. Voilà, Jean-François, donc, qui nous avait appelé à la recherche... À la recherche d'une femme. Oui. Voilà, il est à la recherche d'une femme, donc nous aurons l'occasion, bien entendu, tout à l'heure, de le rappeler. Il y a Jeanne Françoise qui dit, si elle se pose la question, c'est qu'elle commence peut-être par avoir une attirance pour les garçons. Et Paul PC28 qui dit, j'ai vu la vidéo de la luge, c'est vraiment mort de rire. Et la petite fée également qui dit, oui, tu sais pas ce que tu rates avec les hommes. Il y a Alex également qui dit, un petit coup de pelle pour moi, Mickaël. J'ai pas écouté non plus hier. Bah merde, non mais attendez, elle était énorme, l'émission d'hier, là, avec Jean-François, avec Jared Leto qu'on a reçu, c'était la folie totale. Ludwig aussi qui j'ai été voir la photo et oui, je peux te dire que c'est très très fucking ouf. Et alors Valentin qui dit Mickaël, rappelle Jean-François, rassure-toi, c'est prévu, on va faire tout ça sans aucun problème. Bon, avant de te prendre Julie, Rémi est avec nous pour la colle. Allô, allô Rémi. Oui. Bon, on va y aller donc pour la colle. Je rappelle qu'il y a un smartphone, le Arcos 45 Platinum à gagner. Et pour le gagner, il suffit que tu poses une colle. Si tu trouves, si personne ne trouve la bonne réponse, pardon, c'est toi qui gagne. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, à ce moment-là, tu perds et l'autre personne gagne, d'accord? Ouais. Bon, très bien. Alors attention Rémi, on y va. Fais péter la colle, on t'écoute. Alors, en hiver, j'ai déjà presque perdu toutes mes feuilles, mais je ne suis pas un arbre. Qui suis-je? Alors, en hiver, j'ai déjà presque perdu toutes mes feuilles, mais je ne suis pas un arbre, qui suis-je, c'est ça? Oui. Très bien, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Allez simplement vous envoyer Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Je vais vous mettre la colle dans 2 minutes. Voilà, vous pouvez aller voir facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Dédé qui dit, Mickaël arrive à foutre le dawa dans votre radio et il emmerde tous ceux qui lui piquent ses idées. Exactement Dédé. Il y a Secretty qui dit, salut à vous les loulous, c'est parti pour 3 heures de folie. Et puis Angela également, vous rappelez Jean-François pour qu'on se remarre là encore une fois et voir s'il a dessoulé. Oh, ça m'étonnerait, hein. Tess aussi qui dit, un jour on te fera un canular à toi Mickaël et ce sera le meilleur. Eh ben écoute, pourquoi pas, je rappelle que demain on fait les canulars, on aura l'occasion d'en reparler bien entendu. Rémi, reste avec nous, on donne la réponse avant minuit 30, d'accord? D'accord. Très bien, bah bouge pas de là. Et puis bah on va parler donc avec Julie là qui nous appelle de Lyon. Elle est lesbienne a priori mais elle se demande si elle ne passe pas à côté de quelque chose. En même temps c'est vrai que comme le disait le message là, si tu te poses la question, c'est qu'il y a un moment bah t'es peut-être pas si lesbienne que ça en fait. Ah si, j'adore bouter des minous. Non parce que regarde, je te prends l'exemple de moi. Par exemple moi je suis hétéro et à aucun moment je me dis Tiens, peut-être que j'irai voir chez un mec pour voir, peut-être que je rate quelque chose. Alors, non, mais il n'y a pas de problème, Polo. Toi, je te rappelle que Polo sort avec Stéphane. Oui. En tout cas, rencontrer Stéphane depuis sa vie a changé. Ah bah, et tout va bien, et tant mieux, voilà, c'était non, plus le même homme. Tranquille, la pauvre. Et il n'y a aucun souci, il n'y a aucun c'était problème. C'est un homme, c'est une fille, arrêtez oui, de. Oui, oui, aujourd'hui, certainement, et si jamais opération il y a eu, ça a été extrêmement bien réussi. La chirurgie fait des progrès. Et bravo aux chirurgiens, à elle, et voilà, et c'est génial. Bon, vous n'aurez pas d'enfant, mais c'est pas grave. Et plein d'amour à vous deux. Oui, merci oui, beaucoup. Aussi, ben voilà. Ça lui fera plaisir. Ben écoute, nous, si on peut rendre service. D'ailleurs, regarde, hein, pour vous. Voilà. Voilà, bon. Dédicace à Stéphane. Ouais, ça ira, c'est terminé. Bon, donc du coup, tu te posais la question, Julie. On va en parler dans quelques minutes, tu restes bien là? Ouais. Est-ce que t'as la tendance à picoler facilement, toi, Julie? Disons quand on me propose un verre, je dis pas non. D'accord, donc oui. Très bien, c'est pour pas dire oui en fait que tu nous as balancé ça. Non, en fait, je vous pose la question parce que il y a un Australien qui s'est retrouvé avec une bite de 40 cm dans le dos. Il est, ouais. Non mais une fausse évidemment, enfin c'est pas une vraie bite, hein. Déjà il faut qu'elle fasse 40 cm. Non, en fait, il était allé chez le tatoueur pour se faire un dragon, sauf qu'il était tellement torché qu'il a demandé un sexe en fait dans son dos. Donc le tatoueur lui dit bah moi on me demande, je fais hein. Le pire c'est quand il est rentré chez lui, en fait, il était super fier en disant regarde ma chérie, regarde le dragon que je me suis fait dans le dos. Et puis là, malheureusement, c'était une bite. Et donc, bon, heureusement, il va pouvoir la faire retirer au laser. Mais enfin, ça fait des frais et puis surtout, ça fait mal. Ah, oh, j'aurais voulu voir la tête de sa meuf. Regarde, chérie. Et la tête de la bite surtout. Ah ouais. Ah ouais. T'as déjà. Qu'est-ce que t'as fait toi, Julie, parce que t'étais bourrée. Je me souviens plus. Non, genre, attends. On t'a bien raconté. Bah oui, on t'a bien raconté des trucs, non? Non, je sais qu'une fois, j'étais en soirée sur Toulouse et j'avais été me baigner dans la Garonne. Et moi, j'ai mieux. C'est j'ai quoi? De quoi, la Garonne? Non, j'ai compris, mais toi, tu disais, moi, j'ai mieux. Un pote qu'on a en commun avec Sandro, qui s'appelle Germain, qui est un pote d'un pote. Sandro, est-ce que tu peux confirmer ce que je dis? Attends, parce que t'es au standard. Non, je raconte l'affaire de Germain, au dédicace, s'il nous entend. Où le mec était. Allez, raconte l'histoire. Mais c'est laquelle? Il y en a tellement. Quand il s'est jeté. Enfin, quand il était bourré. Les mains. Bourré. Ouais. Voilà. Le mec, il est en soirée, il est bourré, il y a plein de monde. Écoutez. Et tout le monde prend son petit verre. Histoire vraie. Ouais. À ne pas refaire chez vous. Non. Attention, ce sont des professionnels qui ont fait ça la première fois. Donc on était dans un appartement, donc c'était, je crois, au 4e étage. Ouais. Et le mec, tout d'un coup, était persuadé d'être réincarné en Superman. Voilà, c'est ça. Donc le mec, clairement, a sauté par la fenêtre. Voilà. Bon, heureusement, il a explosé. Attends, il s'est explosé donc par terre. Il s'est explosé les deux bras. Pendant deux bras, il avait les deux mains. Pendant deux mois. Parce que pendant deux bras, ce n'est pas une unité de temps. Pendant deux mois, il avait les deux bras dans le plâtre. Ouais. Voilà, mais genre levé. Il pouvait plus se nourrir, il pouvait plus rien faire, le mec. Génial. Oh putain, la folie totale. Bon, venez nous dire ce que vous avez déjà fait comme connerie quand vous étiez bourré. On va revenir avec Julie, avec toi dans quelques minutes. Je ne bouge pas. Venez également nous dire si vous avez des conseils à donner à Julie. Donc, elle est lesbienne. Elle se demande si elle ne passe pas à côté de quelque chose. Vous nous appelez, vous balancez tous vos messages. Je vous ai mis la question également par rapport au bourré sur le Facebook et sur Twitter également. Répondez et puis nous on lit vos messages également en direct. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on se fait le son de Dust et Nicki Minaj maintenant sur Fun Radio. Les 23h12, c'est le son de Damn maintenant sur Fun. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Somehow make it through. Don't nobody who can fake the truth. I don't care. Dans le casino Mickaël No Limit, tous les soirs, c'est blackjack, poker et machine à sous. Mais tous les soirs, c'est vous les grands gagnants. Mickaël No Limit sur Fun Radio, parce qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Et on est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h, hein, du lundi au jeudi. Prévenez vos potes également. Je vous rappelle qu'on est là le dimanche également de 20h à minuit. Et je vous ai posé une question sur le Facebook de l'émission. Je vous l'ai posé aussi à l'antenne. Hein, si vous avez déjà fait des trucs très très fucking ouf, ce sera la nouvelle expression grâce à Jared Leto hier soir. Sous les effets de l'alcool, balancez vos messages sur le Facebook, sur le Twitter. On les lit en direct. Vous pouvez nous appeler également à hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Ben qui dit. je vais me marier, dédicace à ma future femme Céline, que j'aime très fort. Bon, bravo Ben. Ah, c'est pas ça qu'il a fait quand il était bourré? Ah non, non, non, je pense pas, non. Coucou, c'est Natacha, j'ai entendu que vous alliez au Havre, c'est où, le 8 mars, car je veux Zouka Vektov, j'ai 27 ans et je suis fan. Alors, c'est au... Merde. Whiz. Non, pas du tout. Ça, c'est à Neulimine. On va le jour avant. C'est dans le 62. Et on va au, je vous le dis dans quelques minutes. Corentin qui dit aussi, nous, on a rasé un sourcil à un pote qui dormait. Oh, ça va, c'est sympa, ça. Secret Key qui dit, est-ce que la fontaine à eau va bien? La fontaine à eau. Ah, c'est quand j'ai fait la vidéo? Oui, quand on a failli défoncer le bureau du sous-chef. Ah oui, oui, oui, oui, elle va bien, oui, oui, bien sûr. Il y a Gayboy aussi qui dit, le truc le plus ouf que j'ai fait bourrer, c'est envoyer en Snapchat à un pote, je suis gay, et il me croyait hétéro, d'accord. La petite fille qui dit, mort de rire, il va y avoir... Attends, c'est quoi? Il y a dû avoir l'air con avec sa bite dans le dos. Ah bah ça, c'est sûr. C'est un Australien qui a mis, pour ceux qui viennent de débarquer, qui était bourré, il voulait se faire tatouer un dragon, sauf que quand il était bourré, en fait, il a dit au mec de lui tatouer une bite sur le dos, et donc forcément il a une bite sur le dos. Il y a Kayson Cut aussi qui dit, Fun Radio c'est trop bien, et Sissi Ferry, je pense qu'elle devrait essayer avec un mec tous sauf Toff, évidemment, par rapport à Julie, donc qui est lesbienne, mais se demande si elle ne passe pas à côté de quelque chose. Forcément, on fera le je t'emmerde également tout à l'heure. Il y a Rémi là également pour la colle, je vous le rappelle, et puis on va se faire un point top tweetos, je vous le rappelle aussi, des cadeaux à gagner tout à l'heure, ce sera avant minuit. Il faut être le plus influent sur le Twitter de l'émission ce soir. On donne le numéro 1. On donne le cadeau au numéro 1 du top Twitter ce soir. Donc faut balancer un maximum de messages avec le hashtag MIKL. Celui qui aura balancé le plus de messages sans se faire virer, parce qu'avec Twitter on peut pas non plus spammer, sinon on est suspendu quelques minutes ou heures. Donc vous repartirez avec le cadeau, le sextoy offert par passagedudésir.fr. Exactement. Et je viens de lire une info de dingue, de très très fucking ouf. Voilà. C'est en Angleterre, 3% des mères ont des doutes sur qui est le père de leurs enfants. Putain, c'est ouf quand même. C'est abusé. Ça veut dire que la meuf, elle se fait troncher par n'importe qui, quoi. Voilà. Et 8% des Anglais ne sont effectivement pas le père de celui qu'ils croient être leur enfant. Ça aussi, c'est un truc improbable. Ça, c'est encore pire. Ça veut dire que la meuf, elle sait que c'est pas lui. Ouais, exactement. Mais elle lui est cachée. Ou alors, elle le sait pas. Elle pense ne pas le savoir parce qu'elle a peut-être couché avec deux mecs deux jours d'affilée, et donc elle se dit, bon bah il y a une chance sur deux, je vais pas tout foutre par terre, alors que ça se trouve ça marche, tu vois. Ouais, mais c'est chaud quand même. Bah ouais, c'est chaud. Donc Toff, je pense qu'il est important que tu ailles prévenir la France, la Belgique, tout le monde, que les enfants qu'ils ont là, qu'ils sont en train d'élever, ne sont peut-être pas les leurs. Oui. Je pense que c'est important. Il faut qu'ils le sachent. Non, je pense que c'est important. Il faut qu'ils se posent des bonnes questions. Tout à fait. Donc on va appeler des gens dans quelques minutes. Si vous avez des numéros de personnes qu'on peut appeler, n'hésitez pas, bien sûr, hein, toff@funradio.fr, envoyez le numéro de téléphone. Et on les appelle en direct dans quelques minutes. Julie qui est de retour. Juju, tu es là? Oui. Très bien. Bon, alors, toujours pas trouvé de truc que tu as pu faire quand t'étais bourrasse? Non, j'ai pas cherché en fait. D'accord, ok. Très bien. Bravo Julie, hein. On voit qu'on peut te demander des services là, hein. Ah bah non, ouais. Je vais pas chercher. Ah bah non, parce que, parce que accepter des verres quand on me les offre et les picoler, ça il faut pas réfléchir, hein. Ça, il y a du monde, hein Julie? Oui. Elle est là, toujours présente. Oui, j'imagine bien. Pour picoler, oui, j'imagine. Bon, donc Julie, tu nous avais appelé parce que t'es lesbienne, tu te demandes donc si tu passes pas à côté de quelque chose. Mais comment tu t'es posé la question? Je veux dire, parce que si t'es lesbienne, c'est que t'aimes bien les meufs et pas les mecs. Oui, oui, non mais d'accord, mais après je suis pas attirée par les mecs, hein, mais je me demande, si... Parce que j'imagine quand même que c'est différent. T'as jamais essayé? Non, jamais. Ah ouais, et ça t'a jamais attiré? Non. Ah ouais, c'est marrant ça. Même par curiosité ou quoi? Non, rien, juste pour voir, peut-être que t'étais peut-être pas lesbienne ou je sais pas. Non, mais non, ça m'a jamais vraiment attiré. D'accord, et t'as déjà eu combien de copines, filles? Je les compte plus là, il y en a eu tellement. Ah bah oui. Non. Non, je dois être à 6 ou 7. 6 ou 7, ouais, c'est pas mal, 6 ou 7, ouais, c'est bien. Ouais. Bon, et écoute, en même temps, oui, tu rates un truc, forcément, comme tu vas nous dire, enfin, comme tu vas dire à une autre meuf qui est hétéro, toi aussi tu rates des trucs. Fatalement, je pense qu'on rate tous des trucs. Maintenant, au moment, faut choisir le bon truc, hein. Regarde Toff, bon, lui, recto verso, à la limite, c'est différent. Bah, c'est ça. Bah oui, oui. Et puis, un coup à gauche, un coup à droite. Ouais, et puis c'est différent encore de meuf. Enfin, j'ai déjà expliqué ma théorie. Après, évidemment, les gays vont pas être d'accord avec moi, mais je trouve que le corps d'un mec, c'est tellement laid. Je trouve ça moche, deux mecs ensemble, plutôt que deux meufs ensemble. On en a la preuve vivante. Ah bah ouais. De Toff. Non, mais tu vois le corps de Toff avec, je sais pas moi, avec un autre mec de son même, du même style. Là, on serait au top. L'horreur. Je pense que ce serait l'union des mollusques, on serait pas mal. Ah bah ouais, ouais, ouais, ce serait une horreur, une horreur. T'imagines deux méduses qui s'accouplent. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, et pas la peine, je vais directement calmer tous ceux qui sont en train de taper scandale. Ouais. En disant, hé, hey, machin, homophobe, bah. Non, j'ai rien à foutre, ça n'a rien à voir. En fait, mais vous voulez de votre cul, ça me dérange pas. Mais c'est juste que, voilà, deux mecs, c'est moche. Enfin, deux mecs ensemble, je trouve ça laid. Non, mais même un mec tout seul, c'est moche déjà. Non, mais oui, bah même mec tout seul. Autant ça me dérange pas si, genre, par exemple, s'ils se baladent, s'il y a des gays, j'en m'en fous. Mais si je tombe sur un film de cul, je vois deux meufs ensemble, peut-être pas zapper. Je vois un couple hétéro, je vais peut-être pas zapper. Mais je vois deux gays, je zappe, je suis désolé. Pareil. Mais voir deux mecs ensemble, et moi, je te dis, le corps d'un mec, je trouve ça laid. Donc moi, à partir de là, ça me. C'est le truc qui pend, quoi. Mais c'est moche, le corps d'un mec. C'est une horreur. Une fois qu'il est bien dur. Non, mais même, c'est moche, ça ressemble à rien. Que les couleurs sont dressées, Polo. Non. Que les couleurs sont dressées. Que le mât prend la mer. Ouais, c'est ça. Que les couilles sont. Non, c'est laid. Bon, et Julie, est-ce que t'as. Parce que si tu te poses la question, t'as peut-être quand même envie d'essayer, ne fût-ce que pour savoir, non? Même pas? Envie d'essayer, oui, pourquoi pas, mais après, en fait, le truc, c'est que j'ai sûr, enfin, après, je pense que c'est toutes les filles pareilles, mais j'ai peur. T'as peur de te dire qu'au final, c'est mieux chez les mecs? Non, pas du tout. Non. Et pourtant, c'est mieux chez. Non, je plaisante. Mais oui, celui rejoint la communauté des hétéros. C'est le mec qui défend sa communauté. Viens nous voir. Quelle communauté? Tu as loupé de la bite. Non, mais voilà, après, tu vois, c'est à essayer, pourquoi pas. Mais ce serait bien d'avoir la vie d'autres filles ou d'autres mecs aussi qui ont peut-être vécu la même chose que toi. Donc, en l'occurrence, être gay ou bi, peut-être. Non, plutôt gay en l'occurrence. Ou être curieux. Non, pas du tout. Être gay simplement et puis se demander si effectivement on a peut-être pas raté quelque chose à un moment ou à un autre. Ça peut être à mon plan. Bon, reste avec nous, Julie, d'accord? D'accord. Bon, on va demander l'avis des garçons, des filles. Appelez-nous maintenant, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 et Jeanne Françoise sur le Twitter. Ah, qui dit... Jeanne Françoise. Ah oui, Jeanne Françoise est là. Soit elle est lesbienne, soit elle est bi. Je pense qu'elle est plutôt bi, mais bon, il faudrait demander son avis. Il faudrait demander l'avis à Jean-François. Elle a rajouté, ouais. Rejoint l'église catholique, mon enfant. Ah oui, bien sûr. Et il y a Petite Fée qui dit, perso, j'ai essayé les deux et mon choix était plutôt penché par les mecs, faut tout essayer dans la vie, faut pas mourir con, c'est vrai, c'est une idée. Il y a Sissi aussi qui dit, mais c'est bizarre de se poser la question après tant d'années en étant lesbienne, hein, depuis ses 13 ans, c'est vrai. Il y a Faisal aussi qui dit, sérieux, pourquoi t'as fait con? Alors ça, malheureusement, c'est une ex-question, on s'est déjà posé beaucoup de fois. Ouais, mais de nombreux scientifiques se posent encore la question. Mais bien sûr, Igor et Grishka, c'est le travail de toute une vie. Bah, c'est ça, d'ailleurs, évidemment. C'est l'objet de leur prochain livre. Hein. Tout à fait. Il y a Miko également qui est avec nous de Strasbourg, salut Miko. Salut Mickaël, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah ouais, ça va, tranquille. Hein. Bon, bah tant mieux, bienvenue à toi, bienvenue sur Fun Radio. On est au cœur d'une heure sans pub d'ailleurs, accessoirement. C'est bon, la bonne nouvelle. Yeah. On écoutera aussi dans quelques minutes le son de Fatboy Slim. T'aimes bien ou pas Fatboy Slim, Miko? Ah mais toujours, je l'amique. Ah bah très bien, bon, on écoutera aussi le son de Daft Punk tout à l'heure. Le dernier. Voilà, avec Instant Crush. Et on parle de quoi avec toi, Miko? Tu nous appelles pourquoi, dis-moi? Moi parce que justement j'aurais besoin de conseils. Bon, qu'est-ce qu'il y a avec ta meuf? Bah, ce qu'il y a, c'est que ma meuf vit déjà en couple avec son mec pendant 12 ans. Oui. Attends, ce sont des choses qui arrivent. Vit en couple avec son mec pendant 12 ans. C'est-à-dire voilà. Que pendant les 12 prochaines années, ils seront encore ensemble, ou ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble? Là, ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. D'accord, ok. C'est pas le bordel du tout, en fait, chez toi, là. Mais si, justement. Bon, tu l'as rencontré où? Sur Internet, Cocoland. Cocoland. Mais qu'est-ce que tu fous sur un site qui s'appelle Cocoland? Ah ben ça, j'en sais rien. Moi je sais que j'étais venu sur Cocoland exprès pour parler, puis en fin de compte, ouais, t'es tombé là par hasard, c'est mais ça? Mais oui, bien sûr. Il a été sur Google, il a tapé BNP pour consulter ses comptes en ligne, et il s'est retrouvé sur Cocoland. Oh voilà, et là il s'est dit, après une heure, il s'est dit, putain, je comprends pas, je trouve pas mon compte en banque. Une meuf est arrivée, a commencé à le chauffer, et paf, il s'est retrouvé dedans. De hasard comme par hasard. Voilà, ne prendrais pas pour des cons. Voilà. Non, c'est ça l'histoire? Non, c'est que moi au début j'ai commencé à parler avec plusieurs filles, du coup bah c'était sur les 10 filles qu'il y avait, c'était la seule à répondre. D'accord, donc t'as parlé avec aucune fille quoi. Ouais, j'ai voilà, parlé avec plusieurs filles, mais bon, c'est la seule qui a répondu. On a parlé pendant une bonne demi-heure, on a échangé nos coordonnées, puis de là bah on se téléphone régulièrement. Bon après elle m'a dit d'entrer comme quoi il y avait déjà un mec et tout, j'ai dit ok. Et à force de se téléphoner quasiment tous les jours, et ben les sentiments se montaient. Et puis ben maintenant, je sais pas comment faire. Ah, c'est comme ça que t'appelles ça, toi, les sentiments. Ouais, les sentiments ont monté. Mais est-ce que vous sortez ensemble ou pas? Franchement, on s'est pas encore vu. Logiquement, on devrait se voir. C'est pas une vraie relation, ça. Ça fait 2 mois qu'on se parle comme ça, par texto. Et quel âge est là, elle? 29 ans, 31. 29. Et quoi, elle est juste mariée ou elle a des moutards? Non, non, elle est pas mariée. Elle est contre le mariage, justement. Elle est simplement en couple. D'accord, ok. Bon, bah d'accord. Et non, ça veut dire que depuis l'âge de 17 ans, elle est avec le même mec. Bah oui. Oh, il est temps qu'elle se fasse bourrer ailleurs. Est-ce que merci Tof. Est-ce que elle a des gosses ou pas? Elle a 4 gamins. Oh, laisse tomber, mec. Laisse tomber, vas-y. Non. C'est pas une vraie relation, dégage. Quelle violence. Mais non, c'est pas pour ça. Moi, si je peux te donner un conseil, laisse les enfants au daron et prends la meuf. Oui, mais pourquoi pas, à 29 ans, tu peux encore en faire d'autres, pourquoi pas. Bon, non, attends, on va en reparler dans quelques minutes, Miko. Tiens, dites-nous si vous avez déjà fait des rencontres sur internet et surtout si vous êtes déjà sorti avec des meufs qui étaient déjà prises, comme la Selka avec Miko, ou avec des mecs qui étaient déjà pris, évidemment. On fera le je t'emmerde dans quelques minutes. Tu restes là, Miko, bouge pas. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Tous les soirs, 23h-2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est au cœur d'une heure sans pub avec le son des Fatboy Slim maintenant. He Sleep, Rave, Repeat. Service is DJ, it's like kicking off. Micro branché. Son calé. Jingle prêt. Bonsoir tout le monde. Mission réussie. Mickaël aux limites, un petit pas pour nous, un grand pas pour l'humanité. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, allez c'est parti, continue à balancer tous vos messages. Là il y a Romain qui dit oh là là, laisse tomber mec. Ah oui, ça c'est par rapport à l'histoire de Miko là, qui sort avec une meuf, enfin sort, il l'a pas encore vu là, mais bon, non, mais c'est ça. C'est dans clair. Ses rêves quoi, a priori. Ouais, histoire de ouf. Voilà, il y a Mallory aussi qui dit on va pas se casser les filles, on a tous embrassé au moins une fois une fille, même sans être bourré. On est tous bi, bisous Mickaël et toute l'équipe. Bah non. Malheureux, enfin je crois pas. Il y a la petite fée qui dit Cocoland, c'est des gamins dessus, c'est bien pour les plans cul. Tof, vas-y, fais un tour. Ah, mais il vient de s'inscrire. Ah, bah là, j'y vais là. Voilà, ça y est, c'est fait. Hein. Donc Cocoland pouvait trouver Tof dessus, il est là, il y a pas de problème. Il y a Sissi qui dit Cocoland, le plus pourri des sites de rencontre, mort de rire. Mon beau-père est dessus, véridique en plus. Ça, c'est bon. Et Marie-Jeanne aussi qui dit vous êtes les meilleurs. Il se passe quoi Bon, Marie-Jeanne, le prends pas pour toi, mais avec les prénoms ce soir sur le Twitter là, Marie-Jeanne, Jeanne-Françoise, comment ça s'est passé là? Nous avons nous avons recruté chez les catholiques. Les jeunes catholiques et les scouts. C'est violent là. Valo qui dit ma plus grosse boulette étambourée a été de vomir sur les chaussures d'un policier après lui avoir certifié que j'étais pas ivre. Moi je peux raconter l'histoire d'un mec qui en sortant de boîte a vomi sur les chaussures du videur. Mais, ouais, enfin, bon. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même histoire. Ah non, non. Mais, non, mais je vais le raconter parce que tu vas encore faire de la merde. D'accord. Donc on y va. Bon, c'était moi en l'occurrence, le mec. Voilà. Donc on va dans une boîte avec Tof. Mais il y a longtemps hein. On va dans une boîte avec Tof, avec d'autres potes, etc. Donc on y va, blablabla. On picole hein, il faut dire les choses comme elles sont hein. Tof n'a pas bu lui, parce qu'il roulait hein. C'était un petit peu le, ouais, parce le... que c'était ton anniversaire. Donc on avait décidé. Non, c'était pas l'anniversaire. Si, c'était pour ton anniversaire qu'on était. Ah bon, ouais. Je me souviens pas. C'est marrant. C'était pour ton... Mais c'est parce que t'étais un peu... Mais c'était pour ton anniversaire. Puisque ah, je bon. Te rappelle qu'un ami webmaster t'a même offert une bouteille. Ah oui, c'est occasion. vrai. C'est bon, soit. Et donc du coup, donc on y va. On picole. C'est un webmaster justement qui remplis les verres de manière un petit peu violente. Donc moi je les ai cuvés à la paille. Et à partir du 7ème je commençais un petit... C'était de la vodka Red Bull. Et donc à partir du 7ème je commençais vraiment à mal le vivre. Donc je me suis installé sur le bord d'une comment on appelle ça, d'un petit bah sur le podium quoi. Une petite scène, ouais, d'un podium. Et il y avait des drag queens qui étaient en train de danser. Je m'en souviens encore, c'était une angoisse. Donc à un moment Tof et le webmaster, enfin bref, les deux potes qui disent bon bah on va y aller parce qu'il se sent pas bien là Mickaël. Donc on y va. Et au moment, parce qu'en Belgique évidemment, les serveurs, quand on sort d'une boîte, il faut mettre des pièces quoi. Les c'est videurs, pour boire, les videurs. Il faut faire une petite pièce quoi, tu ouais. vois, c'est pour le pourboire. Et donc le mec tend la main. Et là je lui gerbe dessus. L'enculé, tiens bouffe. Et donc il a eu sur la main, il a eu sur les pompes, tout le bordel. Et donc bon, on a dû aller nettoyer. Enfin bon, bref, fini histoire. Rien de bien grave dans l'absolu quoi. Rien de bien grave dans l'absolu. Et je raconte le temps où, que t'as mis pour juste passer la marche pour rentrer chez toi. Oui, ça va, il y avait une marche, elle était super haute. Il a fallu que je mette il a fallu un peu de temps quoi. Ah ouais, juste un quart d'heure quoi. Il a fallu un peu de réflexion et voilà, un peu de réflexion quoi. C'était énorme. Rien de bien grave. Non, mais dans l'absolu ça a été. Donc dites-nous mais cela dit, je me souviens de tout hein. Le lendemain, j'en ai chié ma mère, mais je veux dire, je me souviens de tout ce qui s'est passé à part que c'était mon anniversaire. Mais enfin, je veux dire, pour le reste, je me souviens de tout de très très bien de tout, pardon. Bon, alors, il y a plein de messages qui arrivent, donc dites-nous ce que vous avez déjà fait quand vous étiez bourré comme connerie. Il y a le Facebook où j'ai mis le post et vous pouvez répondre, on lit vos messages. Et sur le Twitter également, tapez Mickaël officiel sur Twitter. Et pareil sur Facebook, il y a Marielle qui dit en hiver, j'ai presque perdu toutes mes feuilles. Ah oui, ça c'est par rapport à la réponse, je vais la lire dans quelques minutes. Tof va sur Cocoland, tu vas kiffer. Guillaume qui dit en étant bourré, j'ai mis mon iPhone dans le mixeur et j'ai demandé qui voulait du jus de pomme. Un collègue me l'avait expliqué. Oh là là, la violence. C'est bon. Le prince Nadia qui dit ne même pas savoir qui est le père de son propre enfant. Je trouve ça dingue. Et alors Romain qui dit j'ai pissé sur un pote, il s'était pas rendu compte et j'ai dormi et vomi dans des cages d'escalier. Alors en parlant de pisser, on racontera une histoire aussi qui est arrivée à Sandro, mais je la garde pour un peu plus tard. Je la garde pour le deuxième service. Voilà. Ce sera le second service. Bon, on va faire les appels avec Tof, hein, je le rappelle. Puisque on est tombé sur cette enquête justement en Angleterre. 3% des mères ont des doutes sur qui est le père de leurs enfants. Et pire, 8% des Anglais ne sont effectivement pas le père de celui qu'ils pensent être leur enfant. Ouais, donc on va appeler des gens au hasard afin de. Enfin au hasard, parmi les numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Tof, afin de vérifier si les enfants qu'ils ont sont bien les leurs. Exactement. Voilà, on y va, c'est parti. On fera le je t'emmerde aussi juste après. Hein. Si vous voulez vous inscrire, vous appelez Sandro maintenant au standard. Là, on vous attend. Oui, allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous étiez sûr que votre mari était le père de vos enfants. Comment ? Non, je voulais savoir si vous étiez sûr que votre mari était le père de vos enfants. Non, mais c'est une blague ou très mauvais goût là ? Non, non, madame, c'est une question. Y a pas de question à me poser, moi j'en suis sûr carrément à 100% moi. Ah, merci, oui. Au revoir, bonne soirée. Et des conneries comme ça, je pourrais peut-être les éviter. Merci. Si vous n'avez rien d'autre à foutre, allez à la CEDIC. À la CEDIC. Ouais, faut peut-être lui dire que c'est fermé la CEDIC. Oui, c'est fini. Non, on va la rappeler pour la prévenir. Allez hop, attends, on la rappelle. Oui, allô. Oui, je m'excuse madame, mais je vous demande ça parce qu'il y a 8% des Anglais où le mari n'est pas vraiment le père. Non mais ça j'en ai rien à foutre moi des Anglais, moi je suis française. Bah oui mais c'est pour ça que je me permettais de vous poser la question madame. Mais non mais qu'est-ce que c'est une blague ou quoi là? Mais pas du tout. Eh vous avez rien d'autre à foutre là que de faire des coups d'emmerde les gens à ce temps là? Mais pas du tout madame. Non mais vous avez pas l'impression que j'étais couchée là? Et j'étais même en train de rapport sexuel avec mon mari. Mais enfin madame. Oui bonsoir monsieur. Pas vos conneries là parce que moi j'appelle les flics, moi ça va être simple. Mais non, mais c'était pour être sûr que vous étiez bien le père de vos enfants, monsieur. Non, mais vous êtes con, vous en faites exprès. Hein. Mais pas du tout, monsieur. Moi, je vous pose la question. Non, mais moi, je sais bien que je suis père. Et encore une fois, là, vous rappelez encore une fois, là, j'appelle les flics juste derrière, là. Bah oui, mais enfin, monsieur, faut pas le prendre comme ça. Moi, je vous appelais gentiment. Non, mais moi, pour qu'on me fasse chier à ce temps-là, donc là, je raccroche, j'appelle les flics, moi. Ah bah non, monsieur, ça se fait. Moi, je vous dis, j'en raccroche et j'appelle les flics, donc au revoir. Mais pourquoi vous l'appelez la police, monsieur? Ah, il a raccroché. Non, il a raccroché. Attends, on va le rappeler encore un petit coup là. Bon, il va appeler les flics, attention. Hein. Oh, bah j'ai peur. Bon. Vous avez fini de me faire chier là? Mais non, monsieur, je veux pas vous faire chier. Je vous appelais juste pour vous poser une question. Faut pas s'énerver. J'en ai rien à foutre, vous arrêtez de me faire chier, c'est clair là? Mais oui, c'est clair, monsieur. Oh, mais... alors vous raccrochez, vous me faites pas chier. Bah, je vous fais pas chier, monsieur, je vous appelais juste en toute sympathie. Faut pas s'énerver. Ouais, bah c'est bon là, je viens de répondre, alors c'est bon, vous faites pas chier. Ah, il s'est raccroché au nez lui-même. Alors ça, c'est quand même pas mal, ça. Le mec se raccroche au nez tellement il est vénère. Très bien. Bon, rapport sexuel. Oui. T'imagines les deux là avec leur voix et tout, une angoisse. Bon, si vous voulez qu'on appelle des gens également tout à l'heure, hein, n'hésitez pas. Vous inscrivez maintenant. Vous envoyez le numéro de téléphone de la personne à appeler sur le mail de Tof. toph@funradio.fr. Kevin et Clément qui sont avec nous maintenant pour jouer au je t'emmerde. Salut Kevin. Salut Clément. Salut Mickaël. Ça va? Salut Mickaël. Vous êtes prêts à jouer à ce magnifique jeu qu'est le... Merde, j'ai fait... Voilà. Je t'emmerde. Voilà, en toute simplicité. Bon, alors les gars, on va jouer pour gagner le haut-parleur Bluetooth qui déchire tout, tout petit, qui donne un son de ouf. De très très fucking ouf d'ailleurs. Hein, c'est la nouvelle expression depuis hier avec Jared Leto. Kevin, Clément, le principe est très simple. Kevin qui appelle d'Antibes, Clément qui appelle de Dijon. Et donc le but, vous allez donc appeler des gens au hasard évidemment, leur placer un maximum de je t'emmerde dans la conversation. Celui qui arrive à en placer le plus avant de se faire accrocher au nez gagne le cadeau, d'accord? On fait deux manches, on fait la première maintenant. Attention, il faut bien dire je t'emmerde ou je t'emmerde. Pas de vous, je vous emmerde, vous m'emmerdez, etc., etc. Et il faut aussi que la conversation soit la plus naturelle possible, la plus logique possible. Donc pas question non plus d'arriver en disant je t'emmerde, ça ne marchera pas, ça ne sera pas comptabilisé. Est-ce que c'est clair? Ok. Qui veut commencer? Kevin ou vous, Clément? Vas-y, Kevin. Bon, on va commencer par Clément. On y va, c'est parti. Allez hop, Kevin, reste avec nous deux secondes là. On y va, Clément, t'as compris le principe? Ouais, ça marche, ouais. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Bonne chance, Clément. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, eh ben, tu dis allô, pardon. Allez. pense qu'on va devoir faire un autre appel. Bon Clément, on n'oublie pas, hein, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô, hein. Ok, ça marche. Ouais, ça marche, mais j'ai coupé la musique, t'as pas dit allô. Ah ouais, c'est vrai. Allez. Allô. Allô. Allô. Ah. Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je vous téléphone, je viens de recevoir un message avec votre numéro de téléphone et il y avait marqué « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Le classique. Donc, voilà, je vous connais pas, je comprenais pas pourquoi vous m'avez envoyé ce message. Excusez-moi, je n'ai pas envoyé du tout de message, ni à... Je vous assure, hein, vous savez, si je me permets de vous appeler à cette heure-là, c'est que, voilà, j'ai reçu un message avec marqué « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Et il y avait rien d'autre, quoi. Donc, j'ai pas tout à fait compris. Et je me permets de vous appeler à cette heure-ci pour vous demander une petite explication. Parce que je sais même pas à qui j'ai affaire. Et je vous avouerai que je comprends pas trop, quoi. C'est une blague, c'est pas drôle. Je n'ai pas envoyé ce message. Je n'envoie pas ce genre de message. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Hop là, les derniers sont comptés, hein. Ouais, bon, les derniers doivent être comptés puisqu'il n'a pas raccroché. Enfin, il a raccroché après ton dernier « Je t'emmerde, Clément ». Ce qui nous fait combien de « Je t'emmerde » ? 15. 15. Oh. Pas mal, Clément. Kevin ? Pas mal. Je peux les enchaîner comme il a fait lui, du coup ? Enfin, oui, mais il faut que la conversation soit logique. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est logique, là. Mais donc, ouais, je peux faire comme ça aussi. Donc. Bah, tu fais comme tu veux. Attention, je tiens à rappeler que lors du deuxième appel après la pub, il n'est pas question de récupérer le même système. Deux idées, de toute façon, moi. Voilà, donc Clément, là tu viens de faire le coup du « j'ai reçu un message », après il faut trouver une nouvelle histoire, hein. D'accord ? Ok, ça marche. Bon, okay, allez, ça vas-y Kevin, à ton tour, vas-y. On y va. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu vas dire « allez ». Allez, ça marche. Vas-y. Dommage, attends, on va faire un autre. Ouais. Hop, c'est parti, on appelle un autre. Allez, okay. Concentre-toi, Kevin. Ouais. Allô. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Vous m'entendez? Oui. Excusez-moi de vous déranger à une heure tardive. Je vous appelle parce que j'ai reçu du courrier ce matin. Et il y avait votre numéro de téléphone sur une lettre. Donc je voulais savoir si c'était vous qui m'avez envoyé du courrier. Ah ben, je vois pas pourquoi. Je vois enfin, pas je peux vous... Ça vous dérange pas si je vous lis la lettre? Pour voir si c'est vous. Allez-y. Il y en a pour 2 minutes, hein, même pas. Donc, mais c'est une lettre bizarre en plus. Bonsoir, ouais, Kevin. Pas mal. Donc, j'ai décidé à partir de maintenant de te dire je t'emmerde. Tous les jours, je t'emmerde. Quand je passerai devant chez toi, je te dirai je t'emmerde. Toi et ta famille, je t'emmerde. Demain, je viendrai te voir pour te dire je t'emmerde. Enfin, mais je t'emmerde, quoi. C'est vous qui avez écrit ça? Non, je vois pas pourquoi. Ah, mais y a pas de problème. Enfin, je veux pas accuser les gens comme ça. Je vous ai vu votre numéro de téléphone, j'ai téléphoné. Kevin, je t'emmerde. Je connais pas de Kevin déjà. Ouais, voilà, bah, vous comprenez si on reçoit une lettre. Je ne permettrai pas de... Bien sûr, totalement, ouais. Mais si on... Enfin, vous comprenez, madame, si je reçois une lettre, il y a écrit « je t'emmerde », « tous les jours je t'emmerde », « moi je t'emmerde », et à la fin il y a signé « je t'emmerde ». Donc c'est pas poli. Enfin, ouais, si vous me dites c'est que bien, c'est pas vous qui m'avez écrit une lettre avec des « je t'emmerde ». Si quelqu'un s'est servi de mon numéro, j'aime pas trop ça non plus, quoi. Ah ouais, moi, enfin, je comprends totalement, ça m'est déjà arrivé une fois. On prenne mon numéro de téléphone justement pour envoyer des je t'emmerde aussi. Genre une dame elle m'a appelé, elle m'a dit oui pourquoi vous m'avez écrit une lettre avec ces je t'emmerde là, des je t'emmerde quoi. Des gros mots quoi. Je t'emmerde, monsieur, à partir d'aujourd'hui j'ai décidé de vous dire je t'emmerde. C'est de nos jours, c'est incroyable. Hein. C'est dingue ça quand même. C'est dingue madame, hein, vous comprenez? Enfin. Enfin, voilà, c'est pour ça que je vous appelle à cette heure-là. Enfin, pas du tout. Je suis désolé de vous déranger. Hein. Enfin, si vous dormiez ou pas, je suis vraiment désolé. Mais recevoir une lettre avec écrit « Kevin, je t'emmerde », moi, bon. Ça m'a mis hors d'état. Non, je pense que tu l'as saoulé, là. Elle a raccroché quand même. Ce qui est pas mal. Combien de « je t'emmerde » ? 16. 16, un de plus que Clément. Attention, ouais, la suite dans quelques minutes. Restez là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël. Nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my God! Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, et on est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs dans toute la France avec l'émission de 23h à 2h juste après Love in Fun. Et puis on est là également le dimanche, hein, juste après l'Eurodance 25 avec Miko de 20h à minuit. Le prince Nadia qui dit j'espère que Mickaël nous fera bientôt un bon remix sur un son durant l'émission, ça me manque. Ah oui, c'est vrai que ça fait un bout de temps ça, tiens. Avec Jean-François, je devrais peut-être essayer de faire un petit remix en live. Je vais réfléchir à ça. Je rappelle qu'il y a toujours la colle avec Rémi également. Là, en hiver, j'ai déjà presque perdu toutes mes feuilles. Mais je ne suis pas un arbre. Qui suis-je? Vous avez la bonne réponse? Eh bien, envoyez simplement M-I-K-L suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64-900 par SMS. Et vous pouvez aussi répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. On vous demande également ce que vous aviez déjà fait comme pire connerie quand vous étiez bourré. J'ai raconté la mienne tout à l'heure, il y a celle de Sandro que je vais raconter aussi dans quelques minutes. Et puis bah les vôtres, vous les envoyez également sur le Facebook de l'émission, j'ai mis un post. Sur le Twitter également, tapez M-I-K-L officiel pour venir nous rejoindre. Et puis je vais vous caler aussi dans moins de 10 minutes le son de Major Lazer sur Fun Radio, écoutez ça. Le nouveau son Major Lazer là, Major Lazer et Shanna Paul. Il y a des bas. Tu es très mauvais. Avec Come To Me, c'est ce qui va arriver sur Fun Radio. Donc restez bien là. Et puis on va également se faire la suite dans quelques instants. La suite donc du Je t'emmerde avec Kevin, avec Clément également. Et on va se faire la colle aussi. Puis on va récupérer Julie là qui est lesbienne, mais elle se demande si elle ne passe pas à côté de quelque chose. Et Miko qui lui rencontre une meuf sur un chat. Elle a 4 enfants et elle est en couple et bah forcément elle ne se décide pas. Étonnant qu'elle ne se décide pas, effectivement. Bon, Kevin et Clément, on fait la suite du Je t'emmerde là, vous êtes prêts toujours là? Kevin, Clément? Ouais. Ah, attends, d'abord on va vous réchauffer un petit peu là. Je t'emmerde. Et je t'emmerde. Voilà, la suite maintenant. Je rappelle que Clément a démarré tout à l'heure avec 15 Je t'emmerde. Kevin a joué le deuxième, il en a fait 16, ce qui n'est pas mal, Kevin, quand même. Hein. Ouais. Et on va retenter le coup maintenant. Deuxième partie, je rappelle qu'on gardera le meilleur des deux scores, ce qui veut dire, Kevin, tu en as fait 16. Si au prochain appel, imaginons que tu en fasses que 10, et que ouais. Clément arrive derrière et en fait 17, c'est lui qui gagne. Ça marche. Ok. Ok. Bon. Ok. Eh ben, je te souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. Kevin, t'en as fait 16. On va donc commencer par toi. D'accord? Allez. Hein. Allez, hein, bah c'est parti. Et attention, vous ne pouvez pas utiliser la même histoire. Est-ce que ouais, c'est clair? C'est ça, la merde. Ah j'ai bah ouais. Là, j'ai assez con parce que il y a Secretly qui lit pas mal l'histoire de la lettre. C'est du nouveau, j'adore. Et puis la petite fée qui lit pas mal l'histoire de la lettre. Abdou aussi qui est passé nous voir. Et Abdou, il y a ton assiette là qui traîne toujours ouais, là sur le bureau là. Abdou qui nous a ramené du gâteau mais il a oublié l'assiette. Abdou, il nous laisse ses conneries. Va ramener ton assiette, ça me saoule. Je vais l'acheter. Hein, Abdou. Il y a Kevin qui dit donc Abdou qui dit Kevin est très bon. J'espère qu'il va gagner. Donc on va voir ça maintenant. Hein. C'est parti. La suite et la fin du Je t'emmerde. On y va, Kevin. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô et je te souhaite bonne chance. Merci. Allez, on y croit. Ou pas, hein, on arrive parfois. Bon, eh ben on va en appeler un autre, hein. Ah, ça dort peut-être déjà tôt là, à cette heure-ci là. Quelle idée de dormir si tôt, 23h52. Ben oui. C'est pas une heure. Bon. Ça se fait pas. Attends. Je le sens bien là. Oui. Allô, bonsoir. Oui. Oui, commissaire Durand à l'appareil, donc je vous appelle parce qu'on a reçu une plainte à votre nom juste à l'instant d'un jeune garçon. Commissaire Durand avec sa voix de 18 ans. Comme quoi vous l'aurez dit je t'emmerde ta famille, je t'emmerde ta sœur, je t'emmerde tout court. Est-ce que c'est vrai? Mais non. Bouh. Eh oui, il est parti. Alors combien donc? 3. 4, non, 3. 3. Nous, tu veux nous enfumer. Ouais, ça change rien de toute façon. Il faut que Clément, tu fasses minimum 17 chaud, pour gagner. C'est pas gagné. Hein. Non, c'est pas gagné, mais bon, en tout cas. Sur des cons comme ça, c'est Kevin, pas gagné. Ouais. Bah ouais, Kevin a échoué lamentablement. Attends, c'est pas des cons. Kevin, ouais. en même temps, si je puis me permettre, avec ta voix, gendarmerie qui appelle, moyen. Ouais, j'aurais dû faire une grosse voix. Ouais, c'est gendarme débutant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, ouais. Gendarme ouais. stagiaire. Exactement. Bon, allez, on y va, c'est parti, Clément, à ton tour. On appelle maintenant quelqu'un au hasard, encore une fois. Et dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô et je te souhaite bonne chance. 17 à battre. Bon. Je vais déjà préparer le suivant. Hop là, c'est parti. On appelle le deuxième, Clément. Allez. On y croit. Oui, oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je suis devant votre porte là et ils ont tagué dessus. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Et je crois qu'ils sont en train de faire votre voiture et dessus c'est marqué je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Vous êtes qui? Eh ben je suis devant chez vous, je suis le voisin là, ils ont tagué votre porte, c'est marqué je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, et là ils sont ils sont quatre, ils sont sur votre voiture et c'est marqué je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Ah je sais pas, moi je dis ça c'est pour vous hein, parce que les je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, ça y va de bon cœur là, et je t'emmerde et je t'emmerde, ouais, et il y en a plein, bon la, cœur, plein ouais. la bagnole, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Vous habitez où? Bah à côté de chez vous, je suis le voisin là, ils sont sur la porte et je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, et la voiture pareil, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Alors là, il y en a partout, hein. Faut faire quelque chose et vite, hein, parce que là, c'est Bagdad, là, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, la porte et tout, il y en a partout. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Il est bon, il est bon. Faut faire quelque chose là. Vous avez eu mes coordonnées comment? Eh ben c'est sur la porte, là, c'était marqué, je cherchais dans l'annuaire, j'ai appelé pour vous dire qu'ils ont marqué ça sur votre porte, votre voiture, oui, sans merde, sans merde, sans merde, sans merde. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme nom? Duc, Jean-Claude, Colombo, là, derrière. Non, non, c'est une erreur, c'est pour ça que je vous prie. Ah, c'est une erreur, ah, oh, oui. Mince. Ah, oh, ben, je suis désolé. Ah, il est bon, j'adore. Non, mais c'est gentil pour la personne, mais j'ai pas confirmé. Ah, ouais. Bon, ben, je vais rappeler Jean-Claude non, pour lui dire qu'ils ont marqué sans merde, sans merde. Mais vous habitez dans quel, vous êtes à Rennes? Oui, je suis à Rennes, là, je suis à Rennes, ouais. Ouais. Et dans quel quartier? Ah bah alors ça, ça je sais pas. Moi, je suis pas d'ici, je suis passé devant, là, sur la porte, ils ont marqué, je t'emmerde. Mais vous me dites, vous êtes le voisin, ça veut dire que vous connaissez le... Vous êtes le voisin... Et l'autre, il creuse. Bah oui, le voisin de Jean-Claude, quoi. Jean-Claude, c'était marqué Jean-Claude Duss, et en dessous, ils ont marqué, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Et vous connaissez pas le quartier dans lequel vous êtes? Ah bah non, moi je viens d'emménager, vous savez, moi je suis passé devant la porte, j'ai vu les « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Oui, c'est pas clair peur, votre histoire là, allez, bonsoir. Alors, au revoir. Bravo. Ouais. Bravo. Oh, j'étais bon là, gros, j'étais bon. Ouais, gros. Ah ouais, mec. Oh, eh bravo, oh, eh, Clément, c'est la première fois qu'on le fait, mais... Eh, quand même. Bravo. Ah, il faut applaudir. Ah, il faut applaudir. Non, il faut applaudir. Ça mérite un petit message de bienvenue. Tu sais ce que attends, alors, t'en mêle pas. J'ai aimé, tu sais, c'est à la fin où il lui dit « Ah, c'est une erreur !» Ah bah oui, c'est une erreur, et tu vois, tout est bien placé. Voilà, ça, c'est beau, bravo. Non, tu l'as... Ah, c'est pas mal, hein. Quelle là, classe. Ouais, là, quand même. Non, je m'appelle Polo, moi. Alors, attends, avant le record, avant de donner le nombre de « je t'emmerde » que tu as réussi à placer, petit message de bienvenue. J'ai une grosse queue. Voilà, de notre ami Jean-François. Mets-toi un doigt dans le vagin. Bon, et mets-toi un doigt dans le vagin. Là, si tu avais avec moi, je te prendrais par derrière. Voilà. Jean-François. Bon, alors, Clément, Kevin avait fait 16, c'était le record. Ah, il a bien mieux, il a fait. Quel plus, est le score de Clément? 56. Oh, putain. Ah ouais, 56, tu sais que c'est le record absolu là. Je crois que j'en ai oublié un ou deux en route. Hein. Ouais, il y en a peut-être un ou deux qui sont passés, mais 56, record absolu mon enculé là. Hein. Ah ouais, là j'étais fort enculé quand même. Ah ouais. Il y a le prince qui dit il a quand même assuré, applaudissements mérités. Secret qui dit je suis plié, il est trop fort. Il y a Lydie aussi sur le Facebook, excellent, il bat tous les records, bah 56. Flavien également qui dit putain c'est dard le jeu du je t'emmerde. Pas mal les scénarios du je t'emmerde, c'est Sophie. Et qu'est-ce qu'il y a aussi comme message qui est passé? Mystique qui dit le Clément il vient de tout déchirer de ouf. Ah bah ouais, là c'était très très fucking ouf. Hein, là pour le coup, là on est bien d'accord. Ça c'est fait. Ça. Ah ouais, là c'est fait. Bon, mais Kevin, ouais. T'as pas été mauvais, t'as été très mauvais. Ah ça va. C'est pas moi qui étais très mauvais, c'est lui qui était très bon. Attends. Ouais, c'est vrai. Il m'a impressionné au début en plus. J'ai dit, oh putain, je suis dans la merde. Et ouais, non, voilà, franchement. Non, mais c'est vrai. Bon, attendez, il y a un message urgent qui doit passer là. Trop tard, j'ai joué. Voilà. bon, allez, bonne soirée les gars, bravo. Calme, à vous. Calme. Ouais, calme. Ouais, je Kevin. Je voudrais pas mettre un petit message bienvenue à mon pote là, Jérémy, qui écoute. Bah, bien sûr. Un bon. Bah attends. Un sale. Alors allez, attends. Un gros sale. Un beau sale. Alors attends, celui-là. Attends une seconde. Voilà. Et rassurez-vous. Ah bah bien sûr. Ouais, sans problème. Voilà. Ah, merci, voilà. Merci Mickaël. Bon, merci. Et Jean-François, joué. Jean-François qu'on rappellera tout à l'heure à 1h du matin. Hein, on avait dit qu'on le rappellerait ce soir là. Ah super. Ouais. Je serai là. Ah bah j'espère. Bon. Putain, de gros cave lui. Ah bah bon, complètement. Ouais. Bon bah salut tous les deux en tout cas. Merci d'avoir joué. Vous avez déchiré tous les deux. Salut. Salut. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Allez. Salut. À bientôt tout le monde. On va récupérer Julie et Mico là dans quelques minutes sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on va se faire le nouveau Major Lazer maintenant au cœur de la nuit, sans pub. Major Lazer et Sean Napole sur Fun Radio. Il est minuit, on va se faire les teubés de la télé dans quelques minutes et continue à balancer tous vos messages et venir nous rejoindre. Tapez M-I-K-L officiel sur Facebook, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h comme tous les soirs sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël No Limit, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est toujours en direct sur Fun Radio avec un message de Jérémy qui dit merci Mickaël pour le message très sale de bienvenue. Écoute avec grand plaisir. Morgane qui dit aussi trop mort de rire, je rigole avec vous. Vous êtes géniaux, Toff et Mickaël, je vous adore. Paul puis apparemment et toute l'équipe aussi, je vous écoute tous les soirs. Tous les jours, pardon, mes potes aussi. Tout le monde vous adore, continuez comme ça. Merci Morgane et gros bisous à toi. Anthony qui dit très fucking ouf. Et Thomas aussi, sincèrement, il envoie du steak avec 56 je t'emmerde. Ah non, il a été très fort. Ouais. Betty aussi qui dit ils sont trop forts les gars du je t'emmerde là, bravo à Clément. Et Dédé qui dit il va pouvoir ouvrir un musée des objets laissés par ses auditeurs qui passent dans les studios. Ah ben pour le coup c'est vrai que l'assiette là, bon elle est belle, c'est sympa, mais bon on n'a pas tout le service quoi. L'assiette donc, de qui? D'Abdou. Bah d'Abdou. Alors, elle est dégueulasse. Non mais bon, peu importe, mais c'est juste que s'il y avait tout le service ça aurait été plus sympa. Donc Abdou, et deux choses l'une, soit tu reviens prendre ton assiette, soit tu ramènes le service complet. Ah ouais, soit t'offres la casse en direct comme il y a deux semaines chez l'auditeur quand on avait fait l'émission en direct de Noyon il y a deux semaines, un dimanche soir là. Bah moi je suis d'accord. De quoi, de la casser? De la casser, ouais, direct moi. Ouais, je vais la chercher, là je la pète. Bon Abdou, dis-nous si on peut la casser en direct alors. Il y a Lighttime aussi qui dit sous la couette en train de vous écouter Mickaël, c'est du pur bonheur. Lighttime, t'es une fille ou un garçon? Parce que deux trucs comme ça, c'est une image comme ça qu'on peut avoir dans la tête qui peut totalement être différente. Et Laura aussi qui dit vous êtes trop bien Fun Radio, vous êtes grand. Ouais, mais 78, hein, personnellement ça va encore, hein. Toff pareil, 80. Près, ouais bon. 1,76. 80 quand il était jeune, parce que depuis il s'est assumé un peu le vieux là. Mais j'ai pas mesuré depuis. Ouais ouais, bah il faudra tiens. Et Olivier qui dit bonjour du pays des kangourous, vivement samedi, concours de skateboard à Bondi Beach. Oh là là, Olivier arrête d'écrire là, putain. L'autre il est à Sydney, il se la ramène. Il se la raconte. En plus le soleil brûle, il y a des cafards bah, partout. Oui, et il se la raconte. Et il continue à se la raconter. Sale chien. Bon, on va se faire le top tweetos dans quelques minutes. On va récupérer Julie, Thomas également pour parler de ce que vous avez déjà fait comme connerie quand vous étiez bourré. Et puis on va se faire les teubés de la télé surtout, hein, vous le savez, comme tous les soirs. Et on parlait pizza hier, souvenez-vous, on avait déjà Jared Leto il y a à peu près 24 heures en direct avec nous dans les studios, qui avait donc appelé une pizzeria pour commander une pizza de très très ouf. Ouais. Voilà. Et donc, très bien cuit. Ouais, très très bien cuit avec du lougoum. Du lougoum, oui. Le lougoum, c'était du carotte, du thon. Du thon. Et finalement, il n'y a pas pris du thon parce qu'il y avait trop de possibilités de thon. Donc pas thon, mais ouf. Oui. Mais très très fucking ouf. Voilà, mais très très fucking ouf, exactement. Et donc du coup, bah, si vous aimez la pizza, j'ai une pizza que vous allez peut-être pouvoir aimer pendant mais très longtemps, et ça c'est une bonne nouvelle. Rassurez-vous, la pizza du futur sort bien d'un four et ressemble à ce que l'on connaît déjà de ce plat italien. Mais contrairement à la version traditionnelle, celle-ci a été faite avec des ingrédients qui ne se périment pas au fil du temps. Vous pouvez prendre la pizza, la laisser sur votre étagère dans son emballage pendant 3 ans et elle sera encore bonne. Ah bah génial. Ah bah alors, putain, c'est top, trop bien. Oh la pizza pour 3 piges. T'imagines, date de péremption, tu l'achètes aujourd'hui, elle est périmée en 2017. Oh mais quelle horreur. Et puis, faut pas demander ce qu'il y a dedans. On peut l'acheter ou pas? On peut pas tester. La jeter, ouais, ça tu peux faire. Non, mais c'est qu'aux États-Unis, je crois, ils ont dit dans l'extrait. Ah merde. Non, on y va, nous, on y va, on va la chercher. Hein. Ah ouais, moi je veux bien. Moi je vais gérer avec quelqu'un une fois que tu l'as cuit quoi. Moi je vais gérer avec fun, on y va, on va exprès pour la chercher, pour le travail quoi. On, bah, on part demain. Comme ouais, ça on bah, balancera Toff à la douane. Et bah très très bien. On dans les geôles l'américaine. Complètement. Bon, pour tous ceux qui n'aiment pas leur taf, écoutez ça, ça va peut-être vous aider à l'aimer justement. Déchiqueter du papier en petits bouts, 8 heures par jour, c'est la tâche pour le moins ingrate confiée à Linda, une salariée roumaine travaillant à Bucarest pour l'entreprise française Assystem. Je devais revenir en tant que secrétaire à l'accueil, mais on m'a demandé de changer de département. On m'a donné un bureau dans un coin avec une chaise, un carton plein de papier, un sac poubelle, et on m'a dit que mon seul travail était de tout déchirer en morceaux aussi petits que possible, de façon à les utiliser pour le carnaval de Rio. Eh oui, pour le carnaval de Rio, bien oh là, sûr. Quel job. Oh, et Nabila qui nous a encore montré tout son inculture dans une vidéo pour remercier ses fans. Merci Nabila. Bonjour à tous, c'est Bonjour. Nabila. Eh bien, je voulais vous remercier pour ce prix. Voilà, on m'a dit que j'avais gagné un prix aujourd'hui, donc c'est la moindre des choses de vous remercier. Merci encore pour ce prix, pour ce Gérard. Je sais pas trop qui c'est, mais en tout cas, je vous remercie. Merci du fond du cœur et je vous embrasse très très fort. À très vite, XOXO. Pour ceux qui ne connaissent pas le Gérard, en fait c'est un peu comme les Oscars, les Césars, sauf que c'est pour élire les plus mauvais dans les mêmes répertoires entre guillemets, on va dire ça comme ça. D'ailleurs elle a eu le Gérard du pire de la télévision. Ah ouais, ah bah quand même, donc c'est pas mal. Non, donc elle a eu un Gérard mais elle sait pas qui c'est. Donc, ouais, Gérard du projet d'émission jeté aux chiottes par toutes les chaînes, mais apparemment les canalisations débouchent sur Énergie. Parfait. Bon bah voilà, donc bravo à Nabila en tout cas pour ce Gérard. Hein, toutes mes félicitations. Il y a le Tangu du web qui dit: désolé Mickaël pour mon heure de retard, mais Abdou est trop con, je lui avais dit de pas oublier. Ah c'est Alice. Ouais. Il y a Mystique qui dit: cher merci Mickaël de nous faire passer de super moments et de rencontrer des gens adorables, spécialement mon chouchou. Et puis Amel également qui dit: après une journée de merde, il n'y a rien de mieux que vous écouter. Bah, en tout cas vous êtes les bienvenus hein, tous les soirs, de plus en plus nombreux, donc continuez comme ça, c'est cool. Sur le Facebook également, venez nous rejoindre, on est là depuis 7 mois, on est déjà quasiment 348 000, donc continuez à faire passer le message autour de vous. Il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio, c'est sur Fun Radio entre 23h et 2h et tous les dimanches de 20h à minuit également. Bon, on va parler de ce que vous avez déjà fait quand vous étiez bourré. Là, Thomas est avec nous d'Angers. Là. Salut Thomas, comment vas-tu? Salut Mika. Comment ça va? Pas trop mal. Bon, bah tant mieux. Bah oui. Bon, alors Thomas. Ouais. On va donc parler de ce que t'as fait comme connerie quand t'étais bourrasse. Bah ouais, enfin la connerie elle est avant, après ça a bien tourné. Bon alors vas-y, explique-nous. Bon alors en fait j'étais invité donc par un copain à la soirée d'une copine à lui. Ouais. Déjà le truc vachement bizarre, t'as la fille elle me connaît pas. Donc on atterrit chez ça dans la soirée et tout, boisson à volonté et compagnie. Ouais. Mais le lendemain matin, je me réveille dans un lit, et pas à moi. Ah, original. C'est bon ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et en fait, je me suis retrouvé dans le lit de la sœur de la fille. Ah, c'est bien ça. Sympa. C'est toujours des trucs, on pense que ça n'arrive que dans les films, en fait, pas du tout. Hein. Non. C'est ouais. Juste que ça n'arrive pas à nous, mais c'est tout. Et donc, après? Donc déjà, j'ouvre les yeux, tout. Je me rends compte que je suis pas dans mon lit, que je suis avec une fille. Le gros problème, c'est quand tu te réveilles, tu sais pas comment la fille, elle s'appelle. Ah, ça c'est chaud quand même. Et là tu lui dis salut. T'as un peu l'air con. Oui, complètement ouais. Donc j'ai essayé de me lever discrètement pour essayer de choper un truc où il y avait son nom. Ouais. Et en fait j'ai réussi à tomber sur son portefeuille qui était au bureau. Donc il a pris la quelle entité pour vérifier. Bah ouais voilà. Sympa, bien vu. Et le truc ça fait bien parce qu'en fait depuis ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Oh, so sweet. Quel ringard alors. Excuse-moi, mais bon. Non mais c'est bien. Non mais c'est bien. Bah 3 ans là vous êtes ensemble, c'est cool. Alors ouais. Que regarde par exemple l'histoire de Sandro, qui est vachement plus c'est romantique. Ouais, plutôt romantique, j'allais dire. Rock'n'roll n'est pas du tout. C'est plutôt romantique effectivement. Puisque alors c'est pas elle qui était bourrée. Bon alors évidemment il y a eu des moments où elle était bourrée, où elle était avec Toff, où elle a fait le crabe, j'étais etc. Là aussi. Oui voilà c'est ça, où elle a fait le crabe. Et on sait pas ce qu'elle a fait avec Toff, mais bon après. Rien. Ah non, bah avec Toff normalement elle a rien fait. Non, avec Toff, hein. J'ai rien fait avec Toff. Hein, n'est-ce pas Toff? Dès qu'il y a une meuf là, il faut tout de suite qu'il papa, il sait plus. Donc mais on parle. Mais non, il a ramené des trucs. De quoi on parle? On parle de. Punis-le! Voilà. Qu'il soit puni! Putain! C'est dingue ça quand même! On t'apporte des bonbons! Ouais, on t'apporte des bonbons, ouais. Et tu vois, et qui c'est qui en veut? Ouais, bon, Sandro, l'histoire d'abord! Alors, l'histoire laquelle? Bon, alors justement. Plusieurs! Après, ou t'es puni aussi? Après! Quoi? Après! De quoi, hein? Lève les mains! Lève les mains! Les, garde les mains en l'air! Garde les mains en l'air et tu ne manges pas! Tu le manges, t'es puni! Ils me mettent un bonbon, on dirait un chien, je suis pas un chihuahua, les gars! Tu manges pas le bonbon, t'es puni! Ça mérite bon. Un coup de pelle, moi je dis. Ah ouais, je confirme. Voilà, tu manges pas le bonbon, t'es puni. Donc je disais, l'histoire donc avec ce charmant garçon. Ah qui, qui était bourré, hein, voilà. Qui a dormi dans mon lit. Hein. Exactement, oui. Bah, j'étais tranquillement en train de dormir. Est-ce qu'on peut lui mettre une musique d'histoire? Musique d'histoire. Celle de Toff. Non, plutôt une musique. D'accord. De. Une musique romantique. Vas-y. Voilà. Hop, explication de l'histoire. Donc j'étais en train de dormir dans mon lit avec mon amoureux. Ouais. On dormait tranquillement, on revenait de soirée, voilà, on se faisait un petit câlin. C'était beau sur James Blunt par voilà, exemple. Voilà, on s'est endormi. Parce qu'il était agriculteur ? Non, pas du tout. On s'est endormi tous les deux après avoir passé une très bonne soirée. Alcoolisé évidemment. Et puis au bout d'un moment, pendant la nuit, je sens un truc chaud sur moi et ça me réveille. Il voulait faire un câlin. Oh là, qu'est-ce que c'est? Je me retourne, je touche, je mets ma main d'abord, je touche, je vois. C'est mouillé, je me retourne. Ouais, j'ai mes règles, c'est pas prévu pour maintenant, pourtant. Et c'est en bizarre. Fait, le mec était en train de pisser sur moi. Oh, trop bon. Le gars était à genoux dans mon pieu en train de me pisser dessus, quoi. Voilà. Voilà. Elle l'a pris pour un poteau. Exactement. Il pensait être aux toilettes, c'est ça? En ouais. Fait, ouais, bon, je l'ai insulté évidemment. Ah, oui, normal. Tu fais quoi? Et il me dit, oh putain, j'ai cru que j'étais aux toilettes. Ah ouais, donc tu l'as réveillé en plein. Ah, ouais. Ah donc, mais t'es malade, bien sûr que je l'ai réveillé. Attends, mais évidemment, moi je dois couper la bite. Tu sais, ah, rien, ouais. Attends, un somnambule, faut pas le réveiller. On m'a dit. Ouais, bah je peux te dire que je lui coupe la bite, il va se réveiller. Alors là, et ce sera pas lancé. Il en avait rien à foutre parce qu'il s'est rendormi juste derrière. Hein. Ouais, non, bien sûr, c'est pas lui qui était mouillé, donc c'est de ce côté-là tranquille quoi. Bon, si vous avez déjà rendormi dans sa pisse. Non, mais je l'ai viré par terre, moi, après. Ah ouais, il a dormi par terre, hein, comme un chien. Bah oui, lui, il dormait. Bon, dites-nous ce que vous avez déjà fait comme connerie, là, en étant bourré, justement. Appelez-nous maintenant, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Merci, Thomas, d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Ok, pas de soucis. Salut, à bientôt, Thomas. Et on vous attend, les autres. Allez-y, il y a Julie, il y a Miko également, qu'on va récupérer dans quelques minutes sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, il est minuit 14 sur Fun Radio. Allez, bienvenue tout le monde. Il y aura les Jeux Olympiques tout à l'heure. Restez avec nous. C'est Fun Radio, c'est Mickaël, nos limites. Venez prendre le contrôle. Vous nous appelez où que vous soyez, en France, en Belgique et même un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. N'hésitez pas. On vous l'avait promis tout à l'heure, le son des Daft Punk. On se le fait péter maintenant. C'est Instant Crush sur Fun Radio. Le son des Daft Punk sur Fun, c'était Instant Crush. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et on est toujours en direct, il est minuit 18 sur Fun. Il y a Robin, c'est qu'il est Wazafidou, Mickaël No Limit, meilleure émission de l'histoire de Fun. Et bel et bien ma radio préférée. Bon, merci Robin, c'est cool. Il y a la petite fée qui dit trop bon ton histoire, Sandro. Gwen aussi qui dit magnifique l'histoire de Sandro à l'instant. Et Jayo, la pire connerie, faite étant bourré, c'est pisser sur les fleurs du jardin des parents de ma meilleure amie, guère assurée. Tu m'étonnes. Moi, en étant bourré, je me suis en plein milieu de la soirée pour rencontrer deux lesbiennes et me les faire. J'ai pas bien compris ta phrase parce qu'elle était pas très très française. Le prince là qui dit j'aime bien le pousser vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël No Limit le soir. Ah oui, c'est le jingle. Et la team Alizée aussi qui dit c'est classe d'être en vacances et écouter Mickaël. Ouais, c'est vrai, il y en a plein qui sont en vacances là. Bah, bonnes vacances à vous. Et puis pour les autres, bah, bon courage, ça va arriver, vous inquiétez pas. Et Aurore qui dit coucou à toute l'équipe. Moi, ma plus grosse gaffe, c'était dans un camping. Après une petite soirée arrosée, moi qui bois jamais d'alcool, je me suis retrouvé dans le au vent d'une caravane sous une table alors que c'était pas ma tente. C'est le matin quand les occupants de la caravane se sont levés. C'était chaud, bouillant et très très mal à la tête. En plus, jamais d'alcool pour moi. Et plus jamais d'alcool pour toi. Ouais, en même temps, Aurore, ça va. Si t'es une fille et que tu te retrouves dans, dans la caravane de quelqu'un d'autre, normalement ça devrait aller. Ouais, ça passe mieux. Sauf si c'est la mienne. Non, pas du tout, déjà. Mais sauf si c'est la femme du mari qui découvre la meuf qui est planquée dans un endroit qui est un peu louche. Donc c'est-à-dire que le mec qui n'a rien fait va prendre bien cher. Il y a une Yule Piu-Piu qui dit pas en mesure de vous écouter encore. Vous me manquez, gros bisous et rendez-vous demain sans faute. Love you, Polo. Mec, il y a un truc qui se passe avec une Yule Piu-Piu. Écoute, je ne sais pas. Toutes ces femmes qui veulent mon corps, j'écoutais les filles, je n'ai qu'une bite. Voilà, je ne peux pas tout faire. Il peut pas être partout, quoi. Il peut pas être partout. Je peux pas tout faire. Mais c'est ça, on comprend. Il y a le déchet là, si vous voulez, il est là. Moi, je récupère les morceaux. Que tu prends pas, je récupère. Voilà, bah, il prend tout ce qu'on donne pas. Ah bah, tu sais, moi, s'il y avait une décharge à meuf. C'est un peu le rat de l'émission. Une décharge à meuf. Moi, je serais dedans tout le temps. Dans les bulles à verre, tu vois. Tu sais, dans les. Quelle horreur. En fait, moi, je suis un peu le bifin de la meuf. Ouais, c'est ça, ouais. N'importe quoi. Bon, on va se faire le karaopé aussi dans quelques minutes. Hein. Je sais pas si vous connaissez le principe. Hein. C'est une grande idée, un grand jeu que nous avons lancé. Hein. Comme par exemple la semaine dernière. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, il fallait découvrir, par exemple, ceci. Voilà. Voilà, donc il fallait découvrir ça. Je vous avais fait écouter ça. Et le but, c'était de découvrir ceci. Tout nu et tout bronzé. Voilà, facile, Carlos. Hop, tout le monde avait découvert. Et bon, on va remettre le couvert dans quelques minutes. Si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas, vous nous appelez donc 01 42 48 5000 maintenant ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va jouer donc à ce karaopé dans quelques minutes. On va également faire d'autres appels avec Toff et nous allons prendre Alexandre qui est avec nous maintenant de Picardie. Salut Alex. Salut Mickaël. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Bah écoute, plutôt pas mal Alex, hein, ça se passe plutôt bien là, minuit 22, on est en direct sur Fun jusqu'à 2h tranquille. Et puis il y a Manga by Loïc qui dit la première personne que je follow en m'inscrivant sur Twitter, Mickaël No Limit. Eh ben ça c'est une bonne chose. Bravo. Manga, tiens, c'est parfait. Ton Manga Twitter ira loin. Bah, je sais pas s'il ira loin, mais en tout cas c'est bien. Et je rappelle que si vous me suivez, je vous suis également. Hein, donc vous tapez simplement Mickaël officiel pour venir me rejoindre. Mangaloï d'ailleurs, hop, voilà, je te suis également en direct. Ça y est, c'est fait. Et les autres vont suivre également, comme Isa, Nicolas, il y a René Junior de la PSD, ou Rano également, Little Spark, Twitch. Voilà, tout ça c'est fait. Et les autres, bah, je le fais au fur et à mesure évidemment. Donc si vous me suivez sur Twitter, je vous suivrai également. Pareil sur Instagram, tapez Mickaël officiel. David également qui dit wow, vive vous. Et la petite fée qui dit encore heureux que t'as qu'une bite, Polo, fais-toi en greffer une autre, ça sert toujours. Bon, on sait jamais, tu vois, un 4 pannes. Pourrait, ouais. Bon, on parlait de ce que vous avez déjà fait comme connerie étant bourré. Qu'est-ce que t'as fait, toi, Alexandre ? Alors, c'était avec des potes, j'ai dormi chez eux, enfin, chez eux, pas vraiment, puisqu'on était dans le garage, on commençait, les parents, c'était l'anniversaire de sa mère, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux enlever le téléphone de ta gorge ? Et arrêter de te branler parce que voilà. C'est horrible. Ouais, c'est pour éviter de t'étouffer avec. Mais je sais pas ce que tu fais, mais du coup, ça fait un bruit bizarre. D'accord. Vas-y. Alors, on était dans le garage, il y avait encore plein de bouteilles d'alcool, donc on s'est bourré la gueule. D'accord. Et on est parti après dans Chambéry, du coup, et on a vu une piscine, bah on est passé par-dessus la barrière. Ouais. On a commencé à aller se baigner en calbar et tout. Il y a un de mes potes qui est passé par-dessus le grillage d'une maison pour aller choper un ballon. Et normalement, ces deux cons, ils se sont mis à poil dans la piscine. Moi, je les ai pas du tout. Et normalement, au moment où j'allais aussi les rejoindre, il y a le proprio qui est arrivé. D'accord. Et il nous a engueulés. Et après, ils ont commencé à courir à poil dans la rue. Et donc, il nous a coursé dans la rue. Et nous, on avait le ballon comme des cons et on courait. On est rentré à l'immeuble. Et ensuite, il est barré. Ouais. Donc on continuait toujours. D'accord. Et il y a un de mes potes qui a fait le con sur la balustrade. Et il est tombé, il s'est accroché. Il flippait, il criait, il pleurait. Sauf qu'on était au premier étage. Ouais. Ouais, va droit au but, hein. Ouais, tu sais pas raconter des histoires, donc va droit au but. Viens à la chute. Bah, voilà. Ah, bon. Ah, c'est tout. Très belle histoire. J'avais eu 12 ans à l'époque. Et t'as quel âge aujourd'hui ? 13 ans. Ah ouais, ça fait longtemps là, putain. Grosse histoire. Ah ouais, du lourd là, très très grosse histoire là quand même. Mais maman, tiens, t'en vas bien. Mais je vois pas le rapport, Jean-François. Mais oui. Ah oui, oh là là, c'est énorme. Bah ouais. Je suis plus grand que vous tous. Oui, oui, bah bien sûr. Tu fais combien là à peu près? 1m80. Waouh! Pas mal! Et tu pisses plus loin que nous, c'est ça? Ou pas? Non. Ah, tu vois? Et alors, est-ce que dans un concours de billes, tu vas nous battre à 13 ans? Parce que pour les billes, là, tu dois être champion. Non, mais qu'est-ce que. L'autre question, c'est comment c'est que t'as cuvé à 12 ans, mec? Ah bah 3 jours après c'était horrible. En plus c'était son grand frère de 17 ans, il était descendu dans le garage et il a tout de suite compris qu'on était bourré. Le lendemain matin. Oui, ça se voit relativement facilement en général hein, mais. Oui, j'étais complètement pété. Et donc le lendemain matin mon père était venu me chercher et il y a son grand frère qui est passé. Il fait ça va mieux. Et là devant mon père j'ai dit que j'avais mal à la tête. Mais à mon avis il a tout de suite vu à ma tête les 3 jours après que j'ai eu du mal à décuer. Ouais, d'accord. Ok, très bien, pourquoi pas. Alex ? Oui ? Une autre histoire ? Non, bah non, c'est fini. Non, ah bah très bien. Et je donne du coup. Et je donne du féminin. Trop tard, j'ai joué. Je donne des. C'est une petite dédicace. Attends, il y a Apollo qui essaye de dire un truc. Non, mais c'est. Je donne des séminaires de vannes. Bon, allez, vas-y pour la dédicace là, mais une seule personne, choisis la bonne. D'accord. Bon, dédicace à Arnaud là que j'ai réveillé pour qu'il m'écoute en train de passer. Ah bah il va pas être déçu, tiens. Ah, il va pas être déçu du passage. Si tu veux, on t'envoie le morceau. Et puis dédicace à toute l'équipe. Eh bah merci beaucoup en tout cas. Tu reviens quand tu veux, Alex. Merci à toi d'être passé en tout cas. Au revoir. Salut à toi, à bientôt. T'es une belle salope. Oh, du Jean-François. Oh. Bon, il y a Mallory aussi qui dit première cuite, 15 ans avec mes parents, on est sorti en boîte. Et quand on est sorti, j'ai sorti ma tête, ça fait beaucoup de sortir dans une phrase. J'ai sorti ma tête de la voiture et j'ai insulté les gendarmes qui étaient sur un accident. J'ai fini allongé dans une boulangerie. Vive les parents ados. Ah ouais, c'est clair. Marielle également qui dit changement de programme, Fun Radio Mickaël ce soir au lieu de la télé. Bien au chaud, sous la couette, bisous. Eh ben voilà, c'est un bon plan Marielle sur Twitter. Et Gaëtan également sur Twitter qui dit en fait, il m'est impossible de dormir à cause de vous. Oh bah, dis donc, Gaëtan, là, nous on y est pour rien là. C'est toujours notre faute. Bah oui, Jérémy qui dit j'ai vomi dans toute ma salle de bain et dans ma chambre et le lendemain je me rappelais même plus que j'avais dormi avec ma mère et j'ai mis mon portable en mode avion et je comprenais pas pourquoi il volait pas. C'est pas mal. Bon, si vous en avez d'autres comme ça, des histoires à la con que vous avez eu l'occasion de vivre quand vous étiez complètement bourrasse, eh ben, n'hésitez pas. Vous envoyez simplement vos messages maintenant. Facebook et Twitter, tapez Mickaël officiel. Cédric, il dit pourquoi Mickaël n'a pas lu mon tweet? Bah, tu sais qu'il y en a tellement des tweets, Cédric, j'essaie de faire au mieux, mais je peux pas forcément tous les lire non plus. Hein. Donc, continuez. Hashtag Mickaël, n'hésitez pas. On fera un petit point sur le top tweetos dans quelques minutes. Et nous allons également jouer dans quelques minutes. Avec Corentin, avec Sylvain, avec Manon, avec Nadia. Comment ça va tout le monde? Ça va, salut Mickaël. Salut, salut, on va jouer au karaopé dans quelques minutes. Oui. Ouais. Très bien. Oh oui, motivation à mort là. Motivation. Ah, ouais. Okay. Tiens, Nadia. Oui. Pour en revenir vite fait, je sais que t'appelles pas pour ça, mais c'est pas grave. Par rapport à Julie qu'on a eu en début d'émission là, qui est lesbienne et qui se demande si elle passe pas à côté de quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es hétéro ou t'es bi ou t'es lesbienne, Nadia? Moi, je suis hétéro, mais j'ai déjà eu une expérience avec une fille parce que je suis assez d'accord dans le sens où il ne faut pas mourir. Attends, attends, attends, attends, comment ça s'est passé? Des détails. En fait, c'était une collègue. Ouais. Attends, mais est-ce que... T'as masturbé? Oui, Jean-François. Ah. Au début, je te laisse la chatte. Je suis ravie, Jean-François. C'est une belle salope. Ah bah écoute... Sans aucune raison. Masturbé, je mange... Donc vas-y. Mais maman, trop tiens, ton vagin. Vas-y, vas-y, alors vas-y. Elle t'a dit quoi? T'as dit je te... Moi jouir. Bon allez, vas-y, ta gueule Jean-François. Vas-y, vas-y. En fait, oui, c'était une collègue que j'ai invitée chez moi. Puis on a fini dans le même lit en fait. Non mais raconte. Vous avez fini comment? Comment ça s'est passé? Tu l'as touché? Vous êtes mis les doigts? L'autre il va se branler ce soir, tu sais. Ah oui, Polo. On a bu un petit verre. Ouais. Et, attends, on a commencé à s'embrasser. Nadia, je t'arrête 2 secondes. Combien mesures-tu? Mais quel est le rapport, Tof? C'est pour l'image. Mais c'est pour l'image de quoi? Bah, pour quand je vais me branler. Oh là là. Alors, Nadia, combien mesures-tu? 1m69. Combien? 1m69. Ah, ma taille préférée. Ouais. Combien pèses-tu? 55. Quel est ton tour de poitrine? 90A. Ah oui, c'est moins. Et la taille de les pantalons. Mais en fait, ils sont à l'intérieur de ta boîte. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Qui prend ma boîte? Top, t'es vraiment un enculé. Et ma taille 36. 36. Ah, c'est bon ça. Bah écoute, je t'envoie une ventouse pour les faire sortir. Qu'est-ce qu'il est con. Mais tu. Non, mais attendez, parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut quand même remettre clairement. C'est-à-dire que Toff se permet quand même de juger le physique des meufs avec une gueule aussi dégueulasse que la sienne. Une gueule de merde. Non, mais attends, je veux dire, il y a un moment, faut quand même pas déconner. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais tout à l'heure, il a été franc, il a dit qu'il aimait la. Il était traîné dans les décharges. Oui, moi, c'est vrai. Et j'ai rien jugé, je lui ai proposé de l'aider. Ouais, de l'aider de rien du tout, ouais. Bon, le seul truc qu'on peut pas faire avec Nadia, c'est les branlettes espagnoles, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Bah, ça, c'est ça. Ça va, je me rattrape au niveau du fessier. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut la sodomiser? Oh là là, Toff. Oh le fessier, Toff. Oui. T'es puni. Une minute. Oh non. Si, ta gueule, terminé. D'ailleurs, le micro est coupé. Ouais. Terminé. Bon, ah bah voilà, on a la paix là, maintenant on est bien. Ah, ça trouvez sent pas que ça sent meilleur. Ouais, ça sent meilleur. Ça sent moins l'enculé. Ah, ça sent moins l'enculé. Cette ouais. odeur de merde qui dégage toute la journée. Non, non, on est vachement mieux là. Non, non, ça sent vraiment. Ça sent l'air frais, t'as l'impression qu'on est à la montagne. Ouais, c'est vrai. C'est... Ah, on est bien, putain. Ah, franchement, on est bien. Sans là. Cette gueule de merde. Ah, putain, vous trouvez pas les filles, Nadia et Julie, là, de Pictoff et Puni là? Ça sent meilleur, non? Respirable. C'est feng shui. Vous sentez qu'on est bien? Exactement, ouais. On est en mode feng shui, là. Même c'est... moi, je suis calme. Moi qui ne m'énerve jamais. Ah, bah, pas du tout, non. Bon, donc, Nadia, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu conseillerais à Julie, alors? Bah, moi, je lui conseillerais de tenter l'expérience. Voilà, parce que c'est pas mal, quoi. Non, même qu'est-ce qui est pas mal? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais comme je t'ai expliqué, on a commencé à s'embrasser, à se caresser. Puis... Ouais. On a été plus loin, on s'est déshabillé, puis on a couché ensemble, quoi, c'est... toute l'année, quoi. Ah, c'est terminé, c'est terminé. Ah, cool, juste à la fin de l'histoire. Attends, putain, je vais me boucher le nez, vas-y, et après? Ah, ça repue de nouveau, ça pue, ça merde. Bon, et donc, Julie, bah, il faut y aller, hein, regarde, c'est ma mère qui te le dit. Oui, non, mais oui. Je prends note. Bah tu prends note, tant mieux. C'est une grosse queue. Oui. Elle fait 20 cm. On est ravis de la prendre, Jean-François, mais il y a un moment ça ne nous concerne pas. On l'appellera tout à l'heure, Jean-François, vers 1h du matin, donc restez bien là. Bon, bah Julie, bah écoute, alors prends note, essaye, et si jamais tu veux essayer avec un mec, choisis n'importe lequel sauf Toff. D'accord. Voilà, c'est non, mais c'est mieux pour toi, moi, après. Tu as bien raison. Voilà, c'est... Non, pour une première expérience, ce serait pas con. Et il vaut mieux pas essayer une petite bite parce qu'après tu vas dire, bon, finalement, c'est nul avec les mecs. Bah, Toff cumule toutes les tares. Donc il a une petite bite avec un crochet au bout. Et ouais, c'est pour mieux attraper les meufs. Ouais, c'est pour être sûr que la meuf se barre pas comme ça, elle est attachée directement avec un harpon. Bon, et bah merci Julie, je te fais des gros bisous en tout cas, tu reviens quand tu veux. D'accord. Salut, je t'embrasse Julie, à bientôt. Salut. Salut. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël de 23h à 2h sur Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio, évidemment, avec le karaopé dans quelques minutes. Ça va débarquer. On va revenir avec Nadia qui va jouer aussi. La colle avec Rémi, les appels de Toff, tout ça va se passer juste après. Le son de Chucky au cœur de la nuit sans pub. C'est Skydive sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, minuit 35. Et on va se faire les appels de qui? De Toff. Mais où est-il parti avec Mais une où est Toff? Tiens. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. On l'a perdu définitivement, ouais. Je pense. On l'a complètement perdu. L'homme est parti, quoi. Étonnamment, d'ailleurs, on devait faire les appels. C'est quand même malheureux, ça. C'est quand même très, très con, ça. Hein, j'ai une grosse queue. Ouais, Jean-François, d'accord, mais bon, là, pour le coup, malheureusement, ça n'aidera pas. Il y a des messages de Robin aussi, j'avoue que vous êtes dangereux, les mecs. Oh, mais pas du tout, Robin, pas du tout. Dorian aussi, je kiffe ton émission, continuez comme ça, vous êtes grave. Jeune Merci. Françoise oui. également. Nadia n'a peut-être pas une grosse poitrine, mais au moins, elle a un menton, elle. Ah ouais. Ah non, c'est rien, on lui a pas demandé. Ah très certainement. Nadia, t'as un menton? Nadia? Oui, j'ai un menton. Ah, t'as un menton, d'accord, parce que Toff t'en a pas pour le coup. Hein. Ouais. Lui, ça part de ce qu'on appellerait un menton, mais ça part directement en dessous de la gorge. Il va se mettre une prothèse comme un Ibar. Ça y est, tu vas te faire opérer? Non, pourquoi faire? Bah vas-y, Toff. Pour avoir une gueule. Depuis que j'ai appris qu'on se souvenait mieux des moches que des beaux, t'inquiète, tout change rien. Ouais, bah écoute, je préfère qu'on se souvienne pas de moi personnellement. Oubliez-moi. Ah ouais, ouais, oubliez-moi. Sophie aussi qui dit: j'ai vomi au poker whisky devant mon ex et tous ses potes. J'avais 17 ans et je jouais super mal. Je perdais, du coup j'étais ivre à mourir, la honte de ma vie. Il y a le prince Nadia aussi, la plus grosse cuite de ma vie. Je venais d'emménager dans mon appart. Je fêtais donc ça et j'ai vomi sur la moquette, mauvais souvenir. Oh ouais, mais ça arrive même au meilleur. Bah oui. Bah oui. Bon. Corentin, Sylvain, Manon, avant de vous prendre pour faire le karaopé, nous allons faire les appels de Toff. Allons-y. Personne ne suit dans cette émission, c'est quand même dramatique. Bon, on y va, on appelle le premier ou la première, puisque je rappelle que 3% des Anglaises, j'ai tout mélangé. Non, si, oui, c'est ça. 3% des Anglaises ne sont pas sûres que le père, enfin le mec avec qui elles sont, soit vraiment le père de leurs enfants. Ah oui, c'est ça. Et 8% des mecs ne sont pas du tout le père de l'enfant avec qui ils vivent. Voilà, donc on appelle des gens depuis tout à l'heure, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, pour leur annoncer cette nouvelle afin qu'ils soient certains que l'enfant qu'ils élèvent est bien leur. Bah oui, qui vérifie quoi, un petit test ADN, ça fait jamais de tort. C'est la moindre des choses. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant, il est 00:38. Bouge pas Nadia. Oui, pas de soucis. Allez. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez sûr d'être le père de vos enfants. Vous vous ennuyez vraiment, hein ? Mais pas du tout, monsieur. Enfin, pourquoi vous dites ça ? Vous n'avez pas d'amis ? Je vois pas le rapport. Si, amusez-vous avec vos amis, pas avec les autres. D'accord. Mais je vous ai posé une question, monsieur. Mais vous êtes... Allez, va te coucher, ouais, il est tard. Mais non, allez, monsieur, je vous ai posé une question. Va te coucher, je t'ai dit, il est tard. Mais non, monsieur, je veux pas aller me coucher. Pauvre je veux gars. Mais non, mais répondez à ma question, tu monsieur. Tu n'es qu'un pauvre gars. Mais pas du tout, monsieur. Enfin, pourquoi vous dites ça ? Pauvre gars. Mais non, monsieur. Allez, va dormir. Mais va te coucher, il est tard. Mais je vous ai posé une question, monsieur, pourquoi vous voulez pas répondre ? Va écouter, va regarder des dessins animés, allez. Mais, non, monsieur, allô ? Ah, si. Bon, attends, on le rappelle, hop, c'est parti, on y va. Pauvre gars. C'est vrai, il a tellement raison, en plus. Mais pas du tout. Monsieur. J'ai une grosse queue, elle fait 20 cm. Allô ? Oui, je m'excuse, monsieur, mais je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Et pourquoi t'appelles en masqué ? Ben parce que c'est bloqué dans le téléphone, monsieur. Pourquoi t'appelles en masqué ? Ben parce que c'est bloqué, monsieur. Je peux pas mettre à faire afficher le numéro. Sinon, je le ferais. Je veux dire, t'es où ? T'es de Roubaix ? Non, je suis à Paris, monsieur. Paris ? Oui. Viens me poser la question ici à Roubaix, viens. Mais pourquoi vous voulez que je vienne chez viens, vous ? Viens, je te dis viens. Mais on est au téléphone, viens, monsieur, ça suffit. Je te dis viens, Roubaix, viens. Mais viens. Non, mais je connais pas Roubaix, monsieur. Mais c'est pas ta salope. Viens à Roubaix, je t'ai dit, viens. Mais je veux pas faire ma salle. Moi je viens, écoute-moi bien, tu me dis je viens, d'accord ? D'accord, ben venez alors. Je te dis viens sur Roubaix, ok ? Non mais, parce que moi j'ai pas envie de me déplacer. Viens sur Roubaix. Oui mais j'ai pas envie de me déplacer. Viens. J'ai pas envie de me déplacer monsieur. Déplace-toi, t'as des couilles, tu viens. Mais viens je t'ai dit. Moi je vous ai juste posé une question monsieur, c'est pas là. Je t'ai dit viens espèce de tarlouse, oui, viens. Ok. Non mais j'ai compris monsieur. Salope. Viens je t'ai dit. Viens Roubaix. Tu viens Euro Téléport, je vais venir. Tu viens quand tu veux. T'as compris ? Bah oui mais. Est-ce que t'as compris ? Bah oui mais c'est loin monsieur. Bouffon, remettez. Tu t'ennuies à ce point là ? Non monsieur je m'ennuie pas, je vous pose. Mais tu t'ennuies à ce point là avec tes. Oh non monsieur je vais. Espèce de tarlouse. Poufias. Enfin monsieur c'est pas gentil moi je. Il est parti. Poufias, c'est le meilleur je pense. On a déjà insulté la mère de Toff, je sais pas combien de fois, mais le poufias est quand même pas mal. On le rappelle encore un coup ou pas ? Oh bah une petite dernière poufias, pour la route. Bon allez hop c'est parti, on y va, on le rappelle. Et on fera les JO aussi qui arrivent là et le karaopé. Eh sérieux, je vais tout faire pour trouver ton numéro. Je te jure. Oui. Eh je vais tout faire pour trouver ton numéro, tu vas voir. Mais si vous voulez, je vous le donne, ça ira plus vite. Donne-le-moi. Alors 01. Attends gros. Oui, je bouge pas monsieur. Vas-y. Donc 01 42 42 48 48 50 50 00 00 voilà. Allô ah oui. Bah, bon, on va attendre le rappel. Bah oui, en espérant qu'il appelle. Hein. Bon, au standard, faites attention. Hein. Il y a un gentil monsieur qui va appeler. Il va appeler et il aime bien les poufias, apparemment. Bon, du coup, on fera d'autres appels tout à l'heure. Si vous avez des numéros de téléphone de gens aussi sympathiques que lui, hein, à Roubaix, on était apparemment. N'hésitez pas sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Je vous rappelle également que hier, bah, plus ou moins à cette heure-ci, on avait Jared Leto qui était avec nous. Et donc, bah, il avait eu un petit défi, c'était d'appeler une pizzeria pour commander une pizza, pour qu'elle soit vraiment livrée. Hein. Et bon, on a espéré qu'elle soit livrée après son départ pour qu'on puisse la bouffer gratos, mais malheureusement, ouais, il a réussi à la choper avant qu'il parte. Ouais. Donc, on vous remettra l'extrait tout à l'heure. Et puis, il y a toujours la vidéo que vous pouvez aller la voir de Jared Leto en train de commander une pizza en français, bien entendu. Hein. C'était un truc de Treacherous Fucking Hoof. Oui. Il était très très fucking ouf lui-même. Très très fucking ouf. Et cette belle pizza au lugum avec le carotte. Très très bon. Quoique finalement, je suis peut-être content que la pizza soit arrivée avant qu'il parte. Pourquoi t'aimes pas les légumes? C'est-à-dire qu'une pizza avec la tomate, la sauce tomate, le lugum, la poufias. Et la poufias, elle aime bien ou elle aurait bien aimé ou pas? Les légumes, non, je déteste. Les lugums, moi je déteste ça. Et très bien cuite. La pizza, voilà. Bon. Donc on vous remettra l'extrait tout à l'heure si vous étiez pas là hier, évidemment, Jared Leto qui était donc notre invité. La vidéo sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Bon, vous êtes prêts, Manon, Nadia, Corentin, Sylvain, vous êtes là les gars? Oui, c'est parti. Parfait, on va faire deux équipes, donc comme on le fait d'habitude pour ce magnifique karaopé, ce magnifique grand jeu que toutes les autres radios souhaitent nous racheter. Bien évidemment, il n'est pas question qu'on vende ce jeu, hein, bientôt à la télé. Bientôt à la télé, le karaopé. Je pense qu'on va bien se marrer. Hein. Ça va être sur une chaîne de merde, je pense. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, on en connaît pas mal. On en connaît pas mal. Bon, Corentin qui fera donc équipe avec Sylvain. Ouais. Très bien, oh, mais cache ta joie, Sylvain. T'es mou là ou t'es mou? Corentin, t'es encore réveillé ou t'es déjà parti dormir là? Non, pas du tout. Bah, réveille-toi là, putain là. Bon, oh, Corentin de Bretagne, Sylvain de Charleville-Mézières, et alors Manon de Lille et Nadia de Nancy. Ok, avec Manon. Je suis avec Manon, moi. En équipe de garçon. Bah exactement. Donc Manon et Nadia ensemble, Sylvain et Corentin ensemble. Alors attention, je vous rappelle le principe de ce magnifique et grand jeu. Je vous passe un extrait, le karaopé, musique sur un rythme de paix. Il faut me donner le nom du chanteur, de la chanteuse ou du groupe, d'accord? Mais avant de donner le nom, il faut d'abord donner votre prénom, d'accord? D'accord. Donc si le premier extrait, j'en sais rien moi, est Daft Punk, dites pas par exemple Nadia Daft Punk. D'accord, tu dis Nadia et après je te demanderai qui c'est, d'accord? Ok. Vous avez bien compris? Oui. Vraiment sûr? Oui, sûr. Parfait. Alors on y va, attention, on l'écoute. Maintenant, pour donner un indice, il est déjà... on l'a passé ce soir depuis 23h. Ah. Hein, ouais, écoutez bien. Bah, y a du monde là qui trouve apparemment, hein. Putain, la vache, alors, t'as rien compris. Pas du tout. Bon, je vous le remets. Je peux vous donner un avis sur le nom du groupe? C'est un peu tof. Poufias? Non, pas Poufias. Bon, si je vous donne un indice en disant c'est un peu tof, et qu'il est, il est un peu gras. C'est la merde. Alors? Je sais pas du tout. Congro? Non, pas Congro, non. Bon, je vous le remets. Je vous le remets encore un coup. Pas d'idée? Non. Bon, je vous mets un tout petit bout de la version originale. Alors, écoutez bien, tendez l'oreille. Sylvain. Sylvain. Oh putain. Eh oui. Bah non, c'est un trou. Ah bah oui, mais c'est pas un trou, hein. Vite. Alors, je vous le remets là. It's sleep. Eh bah c'était Fatboy Slim. Ah, vous avez été mauvais. J'avais pas le nom. Ah, écoutez, c'était ça. Bon, alors évidemment, on n'était pas tip top dans le rythme, mais en tout cas, ça ressemblait. Bon, c'est pas grave. On y va pour la suivante, vous êtes prêts? 0-0, hein, tout pour l'instant. On y va, vous êtes prêts? Allez. Ouais. Alors oh my god. Bon, je peux vous donner un indice. On avoue, c'est Tof qui s'est lâché. C'était pas, on jouait pas là. Je peux vous donner un indice. Un indice, mariage. Mariage. Hein? Nadia. Nadia. Jason Derulo. Mais oui. Marie. Et pourtant, ça ressemble quand même. Ah hein. Ouais. Ouais, alors c'est peut-être pas le même moment dans la chanson, mais bon, ça ressemblait, on n'est pas dans le détail non plus. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts pour le suivant? 1-0 pour les filles, vous êtes prêts? Oui. Oui, c'est parti. C'est parti, j'ai très peur de ce qui va se passer là, attention. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, ça te dit quelque chose, ouais. Bon, je vous le dis, c'est pas un morceau qui passe sur Fun, c'est vrai, mais le morceau est quand même connu. Pour donner un indice, il a commandé une pizza hier soir. Nadia. Nadia. Jared Leto. Non. Ah. Non, c'est le nom du groupe. Ah non, moi j'ai besoin du nom du groupe, oui, pas du chanteur. Alors, bon, je vous le remets. Alors. Je vous donne un indice, c'était comme une barre chocolatée. Hein? Barre chocolatée. Nadia. Nadia. Sortie Sega Mars. Non, quel bon accent et tout. C'est un extrait, je vais le laisser hein, pour valider. Bah oui. Ça ressemblait pourtant quand même hein. Bah grave. Attendez, je vous le remets là en version prout pour voir. T'as genre dit le passage à Renato, c'est d'ailleurs. Il aurait adoré. Ah ouais, il aurait commandé la pizza, t'inquiète. Ah regardez. Bah ça ressemblait quand même. Ouais. Ça ressemblait. Bah on dira la même franchement. Ouais, ouais c'est, franchement ouais. Bon 2-0 là, attention les mecs, quand vous voulez, hein, voilà, si vous voulez jouer encore, n'hésitez pas. Hein. Bon attention, extrait suivant, et là c'est du classique de chez classique. Oh putain c'est chaud. Oh hein. Non. Si c'est facile. Ah, pour le, il est trop. Oh putain, non, c'est chaud du cul là. Waouh. C'est chaud là, putain. Là, non. Ce morceau là, il est chaud. Il est hyper méga connu, mais c'est chaud. Il nous a quittés. Il nous a quittés, c'est effectivement. C'est une légende de la musique. Ouais, c'était Michael Jackson, Manon. Manon. Michael Jackson. Michael Jackson, tu dis au hasard. C'est quoi ouais. Le titre? Et le titre, hein. Le titre. Ah. Non, pas spécialement. Ouais, bon d'accord, ok. Ah, si, c'était bon, facile. 3-0 les mecs, vous allez quand même sauver l'honneur ou vous avez décidé d'être mauvais jusqu'au bout? Ah bah là, on est un peu mauvais quand même. Ah bah là, mais complètement là. Démonté par les filles. Bon, attendez. Oh, c'est pulvérisé là. Attendez, il en reste un là, il en reste un pour l'honneur. Pensez pour JB. Ouais, c'est pour lui qu'on l'a mis. Hein. Faut dire la vérité. Alors? C'est pas. Vous voyez pas? Non, pas du tout. Ah bon, je vous le remets. Pour gagner. Ah, ça me dit trop quelque chose. Ah, quand même. C'est quoi? Alors? Alors? Est-ce que c'est un son qui passe sur Fun? Bon, je vous mets. Il y a Skytron Véronique sur le Twitter qui a trouvé. Ah, il est fort. Un balèze. Ah oui, oui. Skytronic fort. Bah oui, bravo Skytronic, ouais. Comme quoi, c'est facile. Bon, vous trouvez pas? Non. Oh là là. Ah, ah, ah, Manon. Magic System. Faut gagner. Ouais, bon, là, on a vu, c'est bon, là, on a pas la peine d'en mettre 3 heures. Il y a JB aussi qui me l'a envoyé sur Twitter. Ouais, ouais. Sérieux? Ça m'étonne pas. Oh, bouffon. Bon, et eh ben, les filles. On a gagné. Ouais, eh ben, vous avez gagné. Alors, non pas que vous avez été extrêmement bonne, c'est surtout les mecs qui ont été extrêmement mauvais. Hein. Non, ouais, c'est vrai. C'est bah, attends, il faut dire les choses. Vous avez pas été très bons quand même, les mecs. Hein, faut ouais, dire. Ils ont été très mauvais. Pas du tout, même. Ah, bah, ouais, complètement. Zéro pointé. C'est la première fois que ça arrive de faire aussi, un score aussi merdique. Vous m'avez déçu. Ouais, tout, hein. Ouais, mais vous m'avez déçu quand même. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Salut les mecs, Corentin, Sylvain, à bientôt. Salut. Et Manon et Nadia, eh bien, bravo à vous les filles. On va vous offrir un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, vous allez voir, ça va être magnifique. Ah oui, vous allez pouvoir vous astiquer. Mais oui, gros bisous les filles. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on va se faire la réponse à la colle que j'avais complètement oublié, Rémi, excuse-moi. Rémi, t'es là? Il s'est endormi, c'est parfait. Bon, et puis on aura Pascal pour réagir pour les mecs bourrés aussi. On écoute d'abord Au cœur de la nuit sans pub, maintenant dans Mickaël No Limit, le son de Cockpit, c'est Out of Time. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. En direct, ouais, minuit 56 sur Fun Radio. On est au cœur de la nuit sans pub, y a pas de pub ici la nuit. On se fait pas chier, y a Gravity qui dit: je viens de m'installer peinard dans mon lit pour dormir. Et là je branche Fun Radio, vous me redonnez la patate. Émission parfaite, bah merci Gravity. Et encore, attends, t'as pas encore entendu notre ami Jean-François. J'ai une grosse queue, elle fait 20 cm. Tant mieux, et donc on va l'appeler dans quelques minutes. Mais quand il va dans un vagin. Ouais. Pour ça, j'ai joué. Voilà, il était un peu rapide évidemment. Il est un peu précoce. Ouais, bah c'est ça. Attends, merde. Je mets ma main entière dans ton vagin. Tant mieux. Laisse-moi jouir. T'es une belle salope. Ah bah complètement, c'est, il parle à Toff à ce moment-là. Oui. Enfin, il parle à Cristal. Je bande. Bah tant mieux. On l'appellera dans quelques minutes, le Jean-François. Il y a Sickman aussi qui dit: putain, merci Mickaël. Je passe une superbe soirée. Bah tant mieux Sickman. Il y a Friterie Alba également à Charleroi qui dit: un jour vous allez trouver Toff fisté sur sa croix devant la porte de Fun Radio par ses amis. Ah, ça va arriver un jour ou l'autre, hein. Ouais. Oh, c'est bon ça. Parce que je rappelle qu'un jour on l'a appelé celui-là et. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance sur toi. Voilà, c'est ça. J'adore. Hein, et complètement. Que d'amour, ouais. Que d'amour. Ah bah toujours, c'était amour là qu'on porte à Toff, c'est toujours magnifique. Adeline qui dit: en écoutant, meurt de rire en écoutant Mickaël, vous déchirez tout. Et Amel également. Moi, la honte de ma vie, je me suis retrouvé en sous-vêtements dans la rue en dansant. Depuis, je bois plus. C'est dommage Amel, mais quand ça t'arrive encore, n'hésite pas à nous appeler surtout. Hein. Oui, ou t'envoies la vidéo. Ou t'envoies la vidéo, comme ça on se déplace même pas. Il y a également Jeff qui m'a envoyé un mail là, sur l'application Mickaël No Limit sur iTunes, disponible gratos. Moi la pierre cuite, c'est quand j'avais 19 ans, donc complètement bourré. Avec des collègues, on rentre à pied en poussant nos motos. Déjà on en chie un petit peu, faut les pousser les 200 kilos. Et on rentre dans notre camping. Là on rencontre un groupe de jeunes aussi bourrés que nous. On sympathise, on picole encore un peu plus, hein, comme si ça suffisait pas. À partir de là, gros trou noir, je me réveille dans une tente qui n'est évidemment pas la mienne, avec une mise que je ne me souvenais quoi, que je ne me souvenais pas connaître, qui avait sa tête entre mes cuisses, sympa. Je sors de la tente et là impossible de trouver ma moto. Avec mon pote on les cherche toute la journée et en fin d'après-midi on va sur la plage et on trouve nos motos sous l'eau. Ah, c'est bon ça. Oh putain, c'est une cuite qui t'a coûté un bras, hein. Ça c'est le moins, ouais, que l'on puisse ça, dire. Ça veut dire qu'en fait ils les ont descendus à marée basse et quand, ouais, la mer est remontée. Eh bah ben, forcément, elle a pris ce qui était sur son chemin, tout simplement. Bon, on va récupérer notre ami Jean-François dans quelques minutes donc. Et puis on a Rémi également, on va donner la réponse. Rémi. Jean-François. Rémi. Non, il s'est endormi. Oh là là. Oh Rémi. Là là là là. Ah oui. Ah bah quand, ah même, oui. Alors Rémi, mais qu'est-ce que tu faisais là? Jean-François. Désolé, j'étais limite en train d'endormir. Bah oui, je sais, je t'ai oublié mec. Ça arrive. Pince-toi les couilles très fort, ça va te réveiller. Ouais, j'ai failli te mettre l'alarme. pour réveiller tout le monde là. Oh, c'est une horreur, putain, ça siffle. Oh, il faut que j'enlève le casque de seconde. Hein. Voilà, ça va mieux là. Bon, Rémi, on va donc appeler le gagnant ou la gagnante. Là, tu vas peut-être repartir avec le smartphone, le Arcos 45 Platinum qu'on offre toute la semaine. Tu as posé une colle tout à l'heure qui était en hiver. J'ai presque déjà perdu toutes mes feuilles, mais je ne suis pas un arbre. Et donc, on va appeler le gagnant ou la gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond correctement à la colle, tu perds. Si ça ne décroche pas, c'est toi qui gagne. D'accord ? D'accord. Et en tout cas, t'as de la chance qu'on l'appelle à 1h du mat, puisque toi t'étais sur le point de t'endormir. Bah, peut-être que la personne qu'on va appeler est peut-être sur le point de s'endormir, ou peut-être même s'est endormie. Bah, ce serait bien. Oui. Bah, j'imagine. Bon, on y va, c'est parti, on l'appelle. Bonne chance, Rémi. Merci. Et bah, écoute, et après, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Toff. Ah ? Oui, on va en parler. Oula. Ouais, ouais, bah oui. Allô ? Allô, bonjour, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, comment ça va ? Salut, Mickaël. Ça va bien ? Ça va ? Bon, comment tu t'appelles ? Polo. Non. Ah ouais, bah Polo, tiens. Comme par hasard. Ah bon, ouais, c'est un Polo. Polo, t'es dans quelle ville ? Moi, je suis à Niort, mais je suis routier, là. Je suis dans mon camion, là. Je suis à l'arrêt. Bah, d'accord, ok. Donc, t'es à l'arrêt du cul. Ah. Ouais, bah, peut-être aussi, voilà. Tiens, c'est ça. J'ai une grosse queue. Elle fait 20 cm. Et bah, nous voilà rassurés. Rémi a une colle pour toi, Polo. Oui. Alors, en hiver, j'ai déjà presque perdu toutes mes feuilles, mais je ne suis pas un arbre. Qui suis-je ? Alors, c'est le calendrier. Ouais, voilà, c'est ça. Eh bah, ben voilà. Bravo. Je pensais que la réponse était d'un paquet d'OCB de feuilles. Ah non, pas du tout. D'accord, bah pas du tout, pas du tout. Bah, voilà, bah bravo, Polo là. Et Rémi le pauvre, il a attendu 2 heures pour rien là, malheureux. Ah là là. Ah, ouais. Bah ça arrive, mais au meilleur. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Exactement, exactement. Bon, et eh bah écoute, on va te souhaiter une bonne soirée, du coup, hein, Rémi. Hein. Ouais, bah vous aussi hein. Bah écoute, merci. Bah vas-y hein, profites-en hein. Moi t'auras gagné ça hein. Vas-y vas-y. Y'a une seule personne hein. Choisis la bonne. J'aurais passé une dédicace au collège de la Crasse à Nancy. Trop tard, j'ai joué. Non bon, enfin j'en parle. Collège encore. De la Crasse. Oui. De la Crasse. Donc comme de la mer. De la saleté. Non non, la Crasse avec un S. Ah, de la Crasse. Ah bah oui, c'est pas pareil. D'accord, ah, ok. D'accord. Putain, les jeux de mots, ça va y aller à mort. Hein. Oh là là, moi, violence. J'ai entendu la Crasse. Ouais, moi aussi. Ouais. Bon, salut Rémi. Salut, du coup, Polo. À bientôt. Merci. Je peux avoir un petit pack fun, s'il te plaît. Dis donc, et puis encore, tu viens de partir avec un téléphone, là. T'es sérieux, là? Mais oui, on va t'enfiler oui, un. Oui. On va t'enfiler un, Polo. Okay, tu gères avec Sandro au standard. C'est bien les Polos, ça. Faut toujours gratter. Je suis jamais rien. Super, salut, Polo. À bientôt. Ciao. Salut, ciao. Allez, bye. On va prendre Philippe également qui est avec nous dans le Jura là, à Doucier. Salut Philippe, comment vas-tu ? Salut Mickaël. Tu habites Doucier ? Doucier, ah, mais t'as un problème toi, c'est pas possible. Je me branle trop. Bon, ça doit être ça. Bon Philippe, alors qu'est-ce qui t'est arrivé toi, la pire catastrophe quand t'étais bourré ? Eh ben écoute, on était avec une bande de potes en bal d'été, comme on a un peu nous en province, on va dire dans les petits villages. Et j'avais donc levé une fille. J'avais levé une fille. Jolie d'ailleurs. Ah bah, j'avais levé la Marie. Ouais. Et je l'ai emmenée, si tu veux, un peu à l'écart dans ma voiture pour finir un peu ma soirée. Et en étant debout derrière elle, parce que j'avais mis, si tu veux, les mains sur la banquette arrière, et puis elle, moi j'étais debout derrière, puis ça m'a tellement, si tu veux, dans l'effort secoué que je lui ai vomi sur le dos. Donc forcément. Oh, drôle. Elle a pas trop apprécié. Puis bon, ben du coup, je me suis retourné vers mes potes à la buvette. D'accord, ok. Ouais. Donc, bon. Mais le problème, c'est que comme je l'ai revu le dimanche matin à la plage au lac, parce qu'on a beaucoup de lacs chez nous, ça a été un peu dur quand elle a essayé un peu de m'expliquer et que tous mes potes étaient à côté. Oui, j'imagine bien, effectivement. Ouais. Oui. Bon, enfin, ça t'a gardé un bon souvenir ou pas du tout ? Ah oui, très bien. Ah oui, oh là là. Il y a encore des taches sur les sièges de la voiture, mais. Pas pour elle, mais pour moi, très bien. D'accord, ok. Bon, bah écoute, c'est déjà ça de prix. Attends, reste avec nous, il y a Pascal également de Perpignan. Salut Pascal. Oui, bonjour Mickaël. Comment vas-tu ? Bah moi, ça va, tranquille, tout va bien. Bon, bah tant mieux alors. Alors, qu'est-ce que t'as déjà fait comme connerie étant bourré ? Ah ben, moi, c'est une connerie. Moi, si je veux, je sortais d'une discothèque à Canet-Plage, je sais que tu connais par là. Bien sûr. Bah, il connaît bien, il y est tous les week-ends. Évidemment, moi-même, je suis toujours là-bas. Avec des femmes, beaucoup de femmes. Devant cette discothèque, il y avait une voiture de police qui était arrêtée, ouais. Avec pépé dessus. Ouais. J'ai pris la voiture de police pour rentrer chez moi, mais en rentrant chez moi, je suis tombé sur un barrage. D'accord. Et donc là, okay. Il a fallu que tu expliques pourquoi tu roulais dans la voiture de police. Mais parce que je voulais rentrer chez moi. Bah oui, logique. Parce que moi, j'habite à Perpignan, il y a 12 km. Donc, ah bah, comme ma voiture à moi, je savais pas où elle était parce que j'étais vraiment assez bien, quoi. Bah, t'en avais une qui avait l'air de rouler vite, en plus, il y avait plein de lumière partout. Avec un gyrophare et tout, j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Bah oui. Tout. Il n'y a pas de raison de se priver. Évidemment, évidemment, t'as bien fait. Et alors après, comment ça s'est passé? À la sortie de Canet-Plage, donc, il y avait un barrage, donc je me suis arrêté. Et puis quand ils ont vu que c'était pas un policier qui était au volant, ils m'ont fait descendre, ils m'ont dit vous faites quoi, vous allez où? J'ai dit ben voilà, je rentre chez moi, ma voiture, je sais pas où elle est. Ouais. Ils m'ont dit bon écoutez, on va vous ramener chez nous. Et donc j'ai eu une garde à vue, le truc de comment on appelle ça, dégrisement. Ouais, donc avant ça, il y a eu cette histoire-là. J'étais en garde à vue. D'accord, après avoir détruit la voiture de la police. J'ai pris une amende et j'ai pris du sursis. Ah quand même, hein. Et combien l'amende? Ben j'ai pris 750 € d'amende. Ah oui quand même, hein. C'est rien. Faut pas prendre la voiture de la police. Faut avoir d'après eux volé. Alors que je leur ai juré que j'avais pas volé, je l'avais emprunté. Mais si, bah arrête, arrête d'être de mauvaise foi. Je l'ai pas volé, monsieur l'agent. Je comptais vous la rendre demain. Monsieur l'agent, j'ai pas volé. C'était pas un vol, c'était un emprunt. Si vous me prenez une discothèque, je l'aurais ramené. Non, mais et puis, de toute façon, écoute, je m'excuse, mais t'as quand même eu raison dans le sens où ce sont quand même aussi tes impôts qui m'ont permis d'acheter cette voiture. Il n'est pas normal que tu ne puisses pas en jouir. Non, j'entends rien, t'as ton téléphone dans la gorge. J'ai quand même pris 6 mois de sursis. Ah putain, oui, quand même. C'est normal. Ouais, non, oui, bah c'est un emprunt. Tu n'as pas volé une voiture des forces de l'ordre. Je ne l'ai pas volé. Tu non, l'as volé, l'emprunt. Tu l'as volé. Mais encore, encore. Non, parce que. Emprunté à l'État. Voilà. C'est ça. En fait, tu as simplement joui de ta propre voiture pendant quelques minutes, puisqu'avec tes impôts, ils l'ont acheté. Mais encore, t'aurais piqué une voiture, t'sais. Parce que bon, là, la sirène de la police française, quand même bien ringard, faut quand même le savoir. Alors, encore, t'aurais piqué un truc où t'as ça. Tu vois, ah genre. Non, non, là, je pense que là, ça aurait été grave, là, quand même. Ah ouais, là, je pense que. Là, t'aurais été à Guantanamo, mec. Je peux te dire qu'il t'aurait pas laissé tranquille. Que là, ça aurait été rude, hein. Mais voleur. Je te confirme, ouais. Faut quand même expliquer que les flics ont été assez cons pour laisser la clé sur la voiture quand même. Oui, mais voilà, après, voilà. S'ils ont fait comme les flics américains, ils mettent ça dans le pare-soleil. Ah ouais, ils font ça. Non, les clés sur le contact et les flics. Parce que les flics étaient en discothèque, mais ils ont bien arrangé aussi. Ils ont plein de blâme, hein. Ah, ils ont pris un blâme aussi. Oui, quand même. C'est bon, ça, donc, très bien. Quelque part, moi j'ai pris, mais eux, ils ont pris cher aussi. Hein. D'accord, et bah écoute, bah, merci Pascal d'être passé, hein. Dis-moi un petit pack fun, c'est possible. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te le repasse tout de suite. Ça roule mon poulet. Salut, à bientôt, ciao. Allez, à bientôt. Bye, on va récupérer Miko dans quelques minutes. Momo aussi qui voulait en parler justement. C'est une histoire, je vais pas dire similaire, mais ça ressemble. Il y aura Jean-Louis dans quelques instants également. Et puis vous toutes et vous tous en direct. On est sur Fun Radio avec dans quelques minutes. Mets-toi un bonhomme, vas-y. Oui, voilà, ce sera notre ami, comme je le disais, notre ami Jean-François. Jean-François. Que nous allons appeler d'ici quelques instants sur Fun Radio. Restez bien là, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit, No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Yes, 1h07, donc Jean-François dans quelques minutes. On va faire les Jeux Olympiques qui vont débarquer, les Jeux Olympiques de Sochi. Et il y a également la vidéo de la luge qui est disponible sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Et on écoute le son de David Guetta maintenant, c'est Shut Me Down. I was 5 and he was 6. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les 3 vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio, ouais, tout à fait. Alors je sais pas si je peux vous offrir le reste, mais je ferai tout ce qu'il faut pour. La petite fée qui dit ouais, c'est sûr, moi j'ai Burke sur mer à 1 heure de chez moi. Oui, c'est sympa aussi, hein, Burke sur mer. Tess qui dit il y a 4 ans, j'étais bourré, j'ai embrassé le frère de mon copain. Oups, la ressemblance était trop forte, tu m'étonnes. Ouais, c'était un fantasme, Tess. Et Andreas aussi, salut les gens, j'ai déjà vomi sur le canapé tout neuf, 7 fois, la meuf a pété un câble, c'était le jour de fête de son nouvel appart. Elle va s'en souvenir, la salope. Ah bah ça devait être une bonne amie. famille, effectivement, oui. Bon, on va récupérer Miko dans quelques minutes. Jean-Louis, il y aura Momo également, il y aura Lucille. Et puis on va se faire les JO. Mais avant de faire les JO, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, on avait reçu Jared Leto hier qui a fait la commande de sa pizza en direct dans l'émission. Et donc il y a la vidéo évidemment qui est sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Mais pour ceux qui n'avaient pas écouté, eh bien c'était bon, ça. Et à chaque fois qu'on se voit justement, tu essaies de montrer tes progrès en français. Donc on va faire un petit exercice, on va appeler une pizzeria, tu vas essayer de commander une pizza pour qu'elle arrive avant la fin de l'interview. Ok, so each time I meet you, you improve your French. So oui. Let's see it. Oui. You have to order a pizza on the phone. Oh, ouais. In French, of course. In French. Je veux en pizza. Yeah, great. Sans le fromage. Voilà. Avec tomate. Ok. Attends. Très fucking ouf. Voilà. Vegetables means légumes. Voilà, légumes. Oui, légumes. Et donc, à livrer à Fun Radio. Oui. Avec sauce tomate. Wait. On va appeler la pizzeria. Hein. Ok. Let's call the pizzeria. Ok. Donc no. C'est 22 rue Bayard. 22 rue Bayard. Baya. 22. Allô? Excusez-moi. Oui? Je vends un pizza. Oui? Un pizza avec tomate, avec thon, non? Alors, tomate, quoi? Sauce tomate, et légumes, oui. Carottes. Et carottes, oui? Oh, oui, ok. C'est bon. Très bien cuit, s'il vous plaît. D'accord. Ok. L'adresse 22. Non, 22. 22 rue Bayard. D'accord. Alors, par contre, des carottes, je vais pas en avoir, moi, sur les pizzas. Oui. Pas de carottes. No carottes. No carottes. Ah, c'est. Vous voulez une pizza pas végétarienne? Pas bon. Ton. Alors du thon j'en ai, oui. Ok, c'est bon. Alors du thon j'ai plusieurs pizzas avec du thon. Oh là là. He have a lot of sort what of pizza. What kind of tuna? Oh non. No thon. No. Sans thon. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des légumes. C'est bon. Très bien. Oui. Fucking ouf. Très ouf. Très quoi? Très ouf. Ah, une pizza de ouf, vous voulez? Voilà. Très d'accord, ouf. D'accord, une pizza de ouf alors. Merci. Ouf, très alors. Ouf. Voilà. Sauce tomate. 22 rue Bayard, à Paris. À 22 rue Bayard. À Fun Radio. Il n'y a pas de problème, je vous fais ça tout à l'heure. Voilà, merci. Hein. Oui, ouais, tout à l'heure. Ok, hop. That's hilarious. Allez, bravo. Oh, voilà, I'm impressed. Quel talent. Oh, waouh. Voilà, c'était donc hier soir la commande de pizza donc de Jared Leto, qui est arrivée d'ailleurs, hein, contre toute attente, elle est arrivée à la radio, la photo est sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram de l'émission, et vous pouvez aussi voir la vidéo, car on a filmé aussi le moment où il commande la pizza. Ah d'ailleurs, les filles étaient là, mais s'il veut, je lui apprends le français, je peux lui apprendre le français, il n'y a pas de problème, etc. Hein. Moi, je veux bien aussi qu'on m'apprenne le français. Ouais, mais non, t'as pas la même gueule, t'as pas les mêmes cheveux, t'as pas le même style, t'as rien en fait de Jared Leto. J'ai rien pour moi. Hein, Jared Leto, à la limite, ouais, tu pourrais l'appeler, mais sans plus, quoi. Oui. Bon, facebook.com/mikaelofficiel pour aller voir donc la commande de Jared Leto en direct. Donc, Gaëtan aussi qui dit, depuis cet été, je lâche plus fun. En scoot, à pied, au lit, sous la douche, partout, c'est Mikael. Bah cool, merci Gaëtan. Et Félicia qui dit coucou pour mon anniversaire. Je veux ma genre laser avec Watch Out For, s'il te plaît. Je vous aime, mes chouchous. Je l'ai mis tout à l'heure, Félicia, mais je te fais quand même des gros bisous pour l'anniversaire. Bon, je t'avais parlé de la bonne nouvelle, Toff. Oui. Eh ben j'ai une bonne nouvelle justement pour toi. La monogamie, c'est fini. Ouais. Voilà, terminé. Ouais. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est une chercheuse anglaise. Alors il y aurait quatre grandes tendances dans l'amour à plusieurs. Les flexisexuels, c'est le mot. Ouais, c'est le mot qui désigne ces hommes et femmes hétéros qui expérimentent la bisexualité. Alors ils essayent l'amour avec une personne de même sexe et avec consentement de leur partenaire. Et donc en 20 ans, les femmes qui ont déjà couché avec une autre femme sont passées de 1,8 à presque 8%. Ah oui, quand même. Hein, quand même. Alors il y a des relations hybrides. Hein, donc c'est des relations où l'un des partenaires va voir ailleurs avec l'accord du conjoint. Le couple s'entend bien, mais la sexualité, c'est pas la même chose, donc voilà. Il y a des rencontres multiples, donc à New York, on appelle ça le try before you buy. Ah, j'aime donc, bien ça, j'aime bien ce concept. Ouais, le try before you buy. Et donc, le but n'est pas de se caser, c'est simplement le rencard qui compte. Donc, on mate, on teste, on zappe. Ouais, parfait, j'aime bien ça. Voilà. Je vais prendre celui-là, moi. Et en fait, il y a le polyamour. Le polyamoureux, donc, croit que l'amour peut être multiple. Et donc, il se dit que, par exemple, il peut avoir un livre préféré, mais c'est pas parce qu'il a un livre préféré qu'il va pas lire les autres. C'est vrai. Voilà. Bah, j'aime bien celui-là aussi. Voilà. Et donc, j'hésite entre les deux, là. Voilà. Et donc, du coup, c'est un étudiant en philosophie de 26 ans qui se dit que, bah, voilà, en fait, lui, son délire, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a une femme qu'il aime bien, qu'il adore, qu'il est amoureux, il est amoureux d'elle. Mais à côté de ça, c'est pas pour autant que, il peut pas tourner quelques pages. Exactement. Voilà. Donc, venez nous dire ce que vous en pensez, hein. Donc, Tof, je te demande pas, donc, Non, bah, moi, troisième ou quatrième? Troisième ou quatrième, ouais. Troisième ou quatrième. J'aime bien. Donc, est-ce que vous êtes plutôt monogame, flexisexuel, relation hybride, rencontre multiple ou le polyamour, hein, comme je viens de vous l'expliquer? Vous nous dites ça maintenant, vous nous appelez 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Tiens, tu serais plutôt quoi, toi, Jean-Louis, de Dax, dans les Landes? Allô, bonsoir. Salut, oui, bonsoir. Comment ça va? Moi, je serais un peu comme Toff, là. Je serais un peu à plusieurs, là. Rencontre multiple, le try before you buy. C'est ça. Ouais. D'accord, ok, très bien. Donc c'est tu mates, tu testes, tu zappes. C'est ça. D'accord, ok. Pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup ce concept. J'imagine. Et Adrien également qui est avec nous. Salut, Adrien. Salut, Michael. Ça va? Ça va bien, et toi? Oui, tu serais plutôt quoi, toi? Monogame, d'accord, ok. Ouais, c'est dépassé, c'est has-been comme concept, c'est fini. Toi qui es dépassé. Bon, Jean-Louis, toi tu nous appelais par rapport aux réactions des bourrés là, c'est ça? C'est ça. Bon, qu'est-ce que t'as déjà fait comme connerie en étant bourrasse? Mais pendant les fêtes de Dax, là, j'ai une petite anecdote là. Ouais. Enfin, trois petites anecdotes quoi. La première, c'est que le lendemain matin, je me suis retrouvé dans un fossé. Mm-hmm. C'est la buée qui m'a réveillé. La buée a réveillé. Enfin, la donc c'est pas quoi. Le choc, c'est la buée. Pas la rosée, ouais. C'est ouf. Voilà. La deuxième, deux jours après, je me suis retrouvé dans un champ au milieu des taureaux. Ah, c'est bien ça aussi. Ouais, mais bon, c'était tendu quand même. La troisième, dernier jour, j'ai vomi contre un camion de Schmitt. Enfin, je me suis réveillé contre un camion de Schmitt et j'ai vomi contre un camion de gendarmerie. Ah, du lourd. Ah et toi t'es un bon toi hein, Jean-Louis hein. Ah c'est les fêtes de Dax, il faut ah le bah dire, c'est les fêtes. Ah bah attends, et ça se fête les fêtes de Dax, faut quand même pas déconner. Et Adrien qui est avec nous également de Hirson en Picardie là. Hirson ou Hirson, on dit comment? Hirson, d'accord. Alors c'est quoi toi ton histoire en bourrasse bourrasse? Alors en fait on a fait une petite soirée avec les amis tout ça à la maison et puis ensuite donc c'était pendant la fête de Mons en Belgique. Ouais. Et un ami était là-bas, il nous a dit bah venez, donc on y va, tout ça, donc bien sûr on prend d'accord. Des bouteilles avec nous en voiture, tout ça, le collègue qui était avec nous, c'était une voiture un peu pourrie en fait, c'était une Corsa, enfin une vieille voiture quoi. Ouais. Donc on arrive sur place, tout ça, bien sûr sur la route on picole, donc tant qu'on est normal, et après on s'est levé. Oui, bah donc sur la route tu picoles effectivement, c'est y a pas mais vraiment. C'est vrai parce que au moins il a raison, tu vois, il a pas pris le volant bourré, il s'est bourré sur la route. Oui, bah alors ça voilà. Va, non, évidemment que non. C'est pas moi qui conduisais, hein. C'est pas moi qui conduisais. Bon. Et puis donc on sort et tout de la voiture, on qui est pas moyen de pas trouver de place pour se garer, donc en fait on a garé l'avant de la voiture et on l'a soulevé à la main pour la garer quoi. Vous avez garé l'avant de la voiture et on a mis l'avant de la voiture en fait pour le comme si elle était garée normalement. Ouais mais l'arrière comme il n'y a pas le moteur c'est léger, enfin c'est léger, tout est relatif, mais je veux dire c'est plus léger que l'avant quoi. Et puis à ce moment-là, on avait les gendarmes, donc enfin les policiers de Belges, donc de Mons, qui sont venus nous contrôler à ce moment-là, tout ça, donc bien sûr on a tous soufflé dans le ballon et puis. Évidemment. Voilà quoi, donc bon ils nous ont laissé quand même tranquille, on a quand même fini la soirée tout ça, et puis voilà, ça s'est plutôt bien terminé. Oh bah écoute, alors ça va, bah très bien, si tout s'est bien terminé, voilà. C'est le principal, tu me diras. Ouais, c'est sûr. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Bon bah merci Adrien, Jean-Louis d'être passé. Hein. Merci. Mika, c'est possible de passer une dédicace? Bah vas-y, profites-en, une seule personne, choisis la bonne. Je passe une dédicace à mes potes bordelais qui doivent m'écouter en ce moment, donc voilà. Ok, le message est passé sans problème. Et oui. C'est possible d'avoir un pack fun? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, je te la repasse maintenant, sans souci. D'accord. Salut Jean-Louis, salut Adrien, salut. Merci à vous d'être passé. Salut. Retour avec Miko comme promis dans quelques minutes, Momo également, et puis on va appeler notre ami Jean-François. Ah oui, Jean-François. Qu'on va appeler dans quelques minutes. Le temps de faire évidemment les Jeux Olympiques que nous allons faire dans quelques secondes. Micro branché. Son calé. Jingle prêt. Bonsoir tout le monde. Mission réussie. Mickaël aux limites. Un petit pas pour nous, un grand pas pour l'humanité. Mickaël de 23h à 2h sur Fun Radio. Ce que j'aime avec ces jingles, c'est leur humilité. Oui, ah, moi j'adore. C'est un jingle humble, tu vois, qui se la ramène pas, ça qui est cool. Allez, Jason Derulo maintenant, c'est Marry Me sur Fun. Bonne nuit tout le monde. 105 is the number that comes to my head. Plan the door. Mickaël, Limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio, effectivement. Allez, hop, c'est parti, on va faire les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, donc c'est magnifique, Jeux Olympiques. Alors, pour le coup, on est tous dessus. Hein. Attendez, j'essaye le dos, là. On est parfait, attends, je gère. Oh putain, ça glisse. On est parfait. Alors, je vous explique le concept. Alors, donc c'est... C'est quoi, c'est le hockey? C'est le hockey. C'est le hockey. Il y a Sandro qui est là, il y a Toff qui est là. Alors Sandro est dans mon équipe. Qui gère le but? Moi je gère le but. Voilà. Bon attends, je me mets en arrière, je me mets en défense. Attends, moi, je vais aller derrière aussi alors. T'es sûr que tu attaques Sandro? Ah, comme tu veux. Alors on est dans le couloir de Fun. On est dans le couloir de Fun. Il y a du plastique par terre comme on l'a fait tous les soirs de la semaine d'ailleurs, et la semaine dernière aussi. On a mis deux poubelles de chaque côté du couloir. Le but évidemment, le hockey, mettre le palais dans le but évidemment. Donc Toff et Polo évidemment sont dans l'équipe des gros enculés, hein. Voilà, c'est ça, c'est l'équipe des gros enculés. Complètement. Et donc on va essayer ça va être violent. On va essayer de gagner sur le Twitter et sur le Facebook de l'émission avec le hashtag et Mickaël. N'hésitez pas à faire les pronostics. Est-ce que c'est l'équipe Sandro et Mickaël qui vont gagner? Est-ce que c'est l'équipe des gros connards Polo et Toff qui vont gagner? On verra. Moi j'ai les sacs poubelles aux pieds, je suis très classe. Non, t'es beau. Je pense que là en termes de classe on est quand même pas mal. C'est le premier qui arrive à en mettre le premier ou on essaye de faire trois? On fait à deux. Ouais. Avec deux buts d'écart. Très bien, et donc faut savoir que les comment on appelle ça, les crosses ont été fabriquées, c'est du carton par Polo. Hein, donc, oui, c'est designé par un grand créateur. Exactement, qui s'appelle Polo. Exactement, un grand designer qui s'appelle Polo. Allez, voilà, on y va, c'est parti. Évidemment tout ça est filmé, vous l'aurez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Il y a du savon par terre, donc ça glisse, ça rase évidemment, hein, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de mettre de la vraie glace. Bon attention, 3. Ça aurait été bien avec de la vraie glace par terre. 3, 2, 1, c'est parti. Allez Sandro, tu foires pas ta race. Hein. Vas-y, tape. Tape. J'en ai rien à foutre. Ce truc doit rentrer. Allez, vas-y. C'est bon. C'est but ou pas? Non, c'est pas bon. Si, c'est pas but. Bon. Non, c'est pas bon. Putain, j'ai un problème. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il rentre pas. C'est pas bon. Ça va rentrer. C'est sorti. Non, c'est pas sorti là. Va te faire enculer, j'ai perdu, ma crosse est tombée. Putain, j'ai cassé la moitié de ma crosse. Vas-y Sandro. Allez attaque, on est en direct. Vas-y, c'est bon, on est bon. C'est les Jeux Olympiques. Oh putain, il rentre pas. Attends. C'est... Putain. Bon Sandro, prends-la avec la main, on s'en fout, c'est nous qui gérons là. On est que dans l'attaque. Eh vas-y, lâche. Allez. Je n'ai plus de crosse. Stop. C'est sorti. Et arrête de me toucher la bite, espèce de gros porc. Merde. Ça y est, but. Là on est bon là. 1-0. C'est pas mal. Bon, j'ai plus de crosse, comme vous avez pu le remarquer, là il manque quand même vachement des morceaux là. Bon non, on y va. Parce qu'on a été désavantagé par le terrain, qui c'est plus de notre côté. Non, vous avez été désavantagé parce que vous êtes mauvais. C'est qui a fait ces crosses de merde là? C'est un truc, ça tient pas là. Non. Ça tient pas. Mais c'est normal, non, il faut moi, taper moi, là. Je soutiens Polo, regarde, j'essaie de la garder presque entière. Moi, bon, t'as vu, allez on y va, c'est parti. On a fait une bonne équipe, là Sandro t'es en attaque, moi je défends et puis je... Putain, le tir depuis l'autre côté, Sandro qui vient de tomber, c'est parfait. Bon Sandro, tu mets la deuxième là, comme ça on est tranquille après. Hein. Ça y est, c'est but. Sandro, allez, mets le 2-0 là, comme ça on est tranquille. Vas-y. Ça y est ou pas? Et c'est le but, 2-0, je pense que nous avons une fois de plus tout déchiré. comme d'habitude, on peut le remarquer qu'il y a les bons et puis il y a les merdes. Les merdes sont là-bas. Hein. C'est les... Je vous explique. Faut que je vous explique, vous verrez la vidéo évidemment, mais faut que je vous explique quand même Sandro qui se la ramène en mode gangsta, elle a gagné, etc. Et donc en marchant sur un sol qui est savonné et qui est tendu puisqu'on peut se casser la gueule à tout moment, et elle se casse la gueule justement. Vous verrez ça je pense dans quelques minutes, enfin dans quelques minutes, je m'emballe un peu peut-être, hein, mais en tout cas d'ici demain sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Ouh, eh ben ça fatigue hein, de faire les Jeux Olympiques, mine de rien quand même. Hein. Bon, je vais quand même récupérer ma place pour avoir un meilleur son là. Désolé, on était en direct, hein, évidemment, c'est pas toujours facile. Voilà, hop là. Oh, le son est meilleur, dis donc, magnifique. Bon, ouh, alors, Mehdi, est-ce que t'as cru en moi? Est-ce que tu as su que c'était moi qui allais gagner? Que l'équipe de Sandro et la mienne, en l'occurrence, allait gagner, Mehdi? J'en étais sûr. Ah. C'est dommage que t'es pas sur côté match parce que sinon j'aurais mis un vrai billet. C'est vrai, putain merde. Ah. Bah, j'y penserai pour demain si on fait une nouvelle épreuve alors. Ah bah merde, ah, merde, bah, putain. Faut y penser les paris en ligne là. Mais grave, putain, si j'avais su. Déception totale. Ah, c'est pas grave, tant pis. Bon, Mehdi. Oui, je t'entends bon. Bien, dis-moi. Ah, bah, j'imagine, j'espère en tout cas. Bon, toi tu nous appelais parce que tu voulais réagir par rapport à la monogamie, c'est ça? C'est le sujet dont on parlait il y a quelques minutes? Tout à fait, bah c'était pour dire que moi je pense plutôt qu'on peut vraiment aimer une femme, mais que résister à la tentation pour un homme, c'est vraiment trop difficile. Bah oui, non, bah c'est sûr, après on peut pas dire l'inverse non plus, hein. C'est vrai que c'est... Il y a des tentations, c'est un peu comme quand t'es au régime, quoi, tu sais, il y a un moment tu te dis, bon, il faut pas que je bouffe le chocolat, les bonbons, la glace, voilà. Les cuics, ce que tu veux. Voilà, mais il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes, hein. Donc ça va pour rien. Hein. Ouais, mais bon, en même temps, c'est quand même une excuse en bois que t'es en train d'essayer de balancer, hein. Bon, attends, reste calme Mehdi, j'ai quand même d'abord, avant toute chose, une question à te poser. Combien de fois as-tu trompé ta meuf? Même si t'en as pas maintenant, mais en règle générale. Bah j'ai pas compté là, actuellement, ça fait un an que je suis avec ma copine, mais au moins une bonne quinzaine de fois. Hein. Non, t'as déjà trompé 15 fois ta meuf? C'est... Bah je compte bravo, pas, bravo. Mais après j'arrive pas à me contrôler en fait. Bravo Mehdi, c'est un problème, bravo. Hein. Moi je te félicite mec. Heureusement qu'elle dort là, parce que sinon ça irait pas. Hein. Ouais, mais tu sais qu'elle peut réécouter l'émission éventuellement si elle a l'application sur l'iPhone, tout ça, tu vois. Ah, faudrait qu'on lui dise ça, mais... Ah bah ouais. Non mais 15 fois, Mehdi, parce que encore ça arrive une fois. Je vais pas dire que c'est excusable, mais bon, on peut passer l'éponge, mais 15 fois. Bah, la tentation, tout est dans la tentation. Je pourrais te retourner la question après si c'est pas trop indiscret. Oh mais moi ça m'est jamais arrivé, mais j'ai rien à cacher. Moi j'ai appris cette phrase d'Oscar Wilde en regardant L'île de la tentation, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Ouais super. Ah, Oscar Wilde. Ah, voilà. Ouais peut-être, mais bon quand même. Bon bah très bien, bah merci Mehdi hein, d'avoir. Et donc bah, toi allez, du coup remercie. attends, du coup t'es plutôt quoi toi? T'es plutôt donc monogame, visiblement pas. Flexisexuel, relation hybride, rencontre multiple ou polyamour? Rencontre multiple. Donc c'est le try before you buy, c'est-à-dire c'est tu mates, tu testes et tu zappes. Voilà. D'accord, ok, très bien. Eh ben, très bon choix. Très bon choix, Mehdi. Je remercie toute l'équipe parce que franchement, vous êtes très très vif. Hein. J'ai appelé une fois, nickel, le standard, tout est nickel. T'as vu? Continuez comme ça, rien à dire. Ouais, mais on n'est pas chez les enculés ici, Mehdi, t'inquiète pas. Ah ouais, je vois ça. Ça roule. Salut Mehdi. Merci d'avoir appelé Fun. Bonne soirée. À bientôt, merci à toi. Bientôt Mehdi, ciao. On va appeler Jean-François. Ah oui. Mais oui, ce serait bien d'appeler Jean-François. Parce que on l'avait hier au téléphone. Oui, avec Crystal notamment, hein, qui était là. Moi, j'avais pas de nom d'ailleurs. Non. Moi, on t'a pas appelé. Exactement. Tu étais ma copine. Bon, viens. Mais oui. C'est une grosse queue. Ah oui. 20 cm. Magnifique. On aura Riab et Nervo aussi avec Revolution. Mais bon, on appelle maintenant là. Ah oui. Ah oui, je suis toute chaude. Il faut l'appeler. Là, j'imagine. Bon, allez hop, c'est parti. Jean-François, récupération de Miko et de Momo juste après. Et puis Jean-François, bon, on l'appelle maintenant. Hein. C'est celui qu'on a eu hier pour ceux qui n'étaient pas avec nous là. C'est celui qui parle comme ça. J'ai une grosse queue. Voilà. Et donc il sait pas qu'on est à la radio évidemment. Bon, vas-y, hein, Christelle. Oui. J'espère qu'il décroche parce que. On a un peu de retard par rapport à hier. Oui, il doit être fatigué. Bah oui. Il a dû se masturber toute la journée. Parce que hier à cette heure-ci, il avait déjà fini. Hein. Il avait déjà... Ah bah oui, il avait joué, c'était fini. Ah ouais, c'était fini. Oh Jean-François. Oh non, tu peux pas nous faire ça. Bah si, là, ça, il va le faire. Hein. Il a même pas de répondeur. Non, il a pas de répondeur. Ça, je peux même pas lui laisser un message pour lui foutre la haine. Bon, au pire, on appellera demain. On essaiera encore une fois avant la fin de l'émission. Et au pire, on appellera demain. Oh, je suis déçu là. Il en a peut-être sur les doigts, il peut pas décrocher. Peut-être, ouais. Merde. Oh, je suis déçu. Bah oui. J'étais chaud, moi. Bah oui. Mais quand il va dans un vagin. Bah oui. J'ai cru qu'il avait décroché. Non. Trop tard, ah bah voilà la réponse. La réponse est là. Bon, c'est pas grave, on va essayer de le rappeler dans quelques minutes. C'est vrai que c'est ma faute, j'avais dit 1h20. On est en retard, bah voilà, tant pis, c'est ce que je mérite. C'est pas très grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Bon, on s'écoute le son de Rehab et Nervo. Please call again. Mickaël. No limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Oh, quelle belle victoire quand même, hein. Bravo. Ah, oui. Oh là là, magnifique pour ces Jeux Olympiques là. Bon, on en reparle dans quelques minutes. Il est 1h35 sur Fun, il y a les appels de Toff juste après Rehab et Nervo maintenant Revolution. No Limit 23h-2h Fun. C'est Mickaël No Limit. On Fun Radio. Et toujours en direct, il y aura Polo contre le reste du monde, ouais. Aussi dans une vingtaine de minutes, hein, si vous voulez participer à cette grande émission d'écoute avec ce psychologue, hein, qui est à l'écoute justement tous les soirs. Je suis en train de me huiler le corps pour affronter tous ces gens. J'ai mis mon slip en cuir tel un gladiateur de... Quoi, tu rien. Non mais rien, j'attends que tu termines dans le délire. Slip en cuir, je suis en train de m'huiler. Toff va me masser les mollets. Je vais te masser. Et je vais affronter cette horde d'auditeurs exécrables. Et je vais les combattre dans l'arène. D'ailleurs, si vous voulez participer à cette grande émission, hein, c'est alléchant, hein, comme vous avez pu l'entendre, ouais. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Depuis la Belgique, il y a Jeanne-Françoise qui dit: là je suis déçu, dire que j'ai changé mon pseudo pour lui et il ne décroche même pas. Bah ouais, ah oui. Putain, déception totale. Déception. On va essayer de le rappeler, hein. Il y a Christophe aussi qui dit: une femme c'est comme une cassette, play stop, rebobine, éjecte. Oh, c'est nul. Respecte les femmes quand même. Il y a Manga by Loïc aussi: c'est un beau salaud, celui-là a trompé sa copine plus de 15 fois. Jeanne-François aussi, il trompe 15 fois sa copine et il est content. Mais pourquoi il est avec en fait? Parce qu'à ce niveau-là, oui j'avoue. Et alors, ah oui, un message aussi de Jeff que j'ai reçu par mail qui dit: on se serait cru dans un film de cul avec vos Jeux Olympiques. Ce truc va rentrer, c'est bon, vas-y. Elle est rentrée là, ah non, elle est ressortie. Mais je décerne quand même un prix spécifique pour la mauvaise foi de Sandro et de Mickaël. Quoi? Ils m'ont tapé à coups de crosse. C'est faux. Je t'assure, j'ai joué avec les mains. Sans, tu m'as mis un coup de crosse dans la tête. Désolé. Non, et puis là. T'excuses pas, c'est une merde. Et alors? Et Mickaël quand même qui m'a marché dessus, tapé à coups de crosse. Ouais, mais c'est ça la vie. Ah bah oui, tu parles. Le principal c'est de gagner. Ah bah d'accord, j'ai bien vu, ouais. Ah bah oui. Bonhomme, hein. Bah oui, exactement, et c'est pour ça que vous avez perdu. Bon, donc, qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je sais plus. Bah bravo. Pardon. Bah voilà. Bon, c'est Toff, c'est ce connard de Toff. Voilà. Mais c'est sa faute, c'est voilà. Évident, c'est évident. Bon, on va faire des appels en parlant du connard de Toff. Les appels maintenant, puisque je rappelle que 3%, pas du tout. Si, c'est ça, 3% des Anglaises ne savent pas, enfin ne sont pas sûrs que le père de leurs enfants est vraiment le père de leurs enfants. Voilà, et 8% des pères pensent que c'est le papa, mais en fait c'est pas le papa. C'est ça. Voilà, donc on appelle des gens depuis tout à l'heure là pour les prévenir, hein, tout simplement. Et bah on va continuer grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va, on appelle le dernier de la journée là. Et on y récupérera Miko et Momo juste après comme promis. Allez, Miko qui attend depuis un petit bout de temps. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais vous demander si vous étiez sûr que votre mari était le père de vos enfants. Comment? Non, je voulais savoir si vous étiez sûr que votre mari était le père de vos enfants. Lequel? Lequel? Quel? Bah, j'étais mariée une fois, j'ai divorcé. Oui. Et aujourd'hui, j'étais mariée sur Ronchin, mais j'ai pas eu d'enfant avec lui. D'accord. Et donc celui que vous avez maintenant, vous êtes sûr que c'est bien le père? Pourquoi? Bah, pour savoir, madame. Bah, je vous explique. Oui. En 83, j'étais mariée avec une personne où j'ai eu 4 enfants. Oui, et vous êtes sûr que c'était le père? Pourquoi? Ben pour savoir. Bah oui. Ah non, mais c'était pour être sûr. Oui, donc en 83. Il y a un problème? Non, pas du tout, c'est juste pour être sûr. Alors là, non, vous m'inquiétez. Il se passe quelque chose, on ne téléphone pas à une personne comme ça, quoi. Bah, si, parce que moi, je vous appelle parce qu'il y a 8% des Anglais qui ne sont pas le père de leurs enfants. Et donc, du coup, je voulais savoir si vous, le mari était bien le père de vos enfants. Là, je comprends pas votre coup de fil. Ça a bugué, là. Et vous téléphonez d'où ? Bah, de Paris, madame. De Paris ? Oui. Alors, j'ai 4 enfants. Ah, oui. Qui sont nés en 83. Oui. Les dernières sont nées en 88, 90, 1998. Vous la rassurez ? Oui, au milieu, c'est un peu compliqué. 1997. Oui. Ouais. L'est né en 1983 et la première sœur. C'est long là. Et en 85. D'accord. Et donc tout ça du même père. Oui. Ah oui. C'était pas le cas, qu'est-ce qu'il y aurait. Ah ben rien, c'était juste parce que comme ça, ça comment dire, ça confirmerait le fait que parfois le père n'est pas le père. Alors là, je comprends pas votre appel. Franchement. Ouais, bah c'est pas grave. Écoutez, faites comme si vous aviez compris, raccrochez et on n'en parle plus. Oui, non. Allô ? Ah voilà. Non, ah non, non. Allô ? Non. Ah ! Ah bah elle était gentille, oh mais. Pas trop longtemps quoi. Oh là là. On en appelle un autre là du coup parce qu'on a pas eu de réponse là. Ouais, mais enfin, on a même pas eu de question pas. Là. Attends, on va le rappeler. Enfin, on va pas rappeler, on va appeler un autre numéro. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez sûr que votre mari était le père de vos enfants. C'est lequel? Radio Kun. Pardon. Radio. Oui, voilà, c'est ça. C'est Foufoun Radio. Ah ouais. Oui, c'est Radio Foufoun, oui. Avec beaucoup de poils autour. Ok. Voilà, allez. Et donc pour votre mari, vous êtes sûr que c'est le père de vos enfants ? Bien sûr. Bien sûr, bon ben parfait, alors passez de bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Hein, et n'oubliez pas de réécouter Radio Foufoun, hein. Okay. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Ouais, bah voilà, très bien. Bah, je pense qu'on va arrêter là. Il y a un moment, c'est d'un signe. Ouais. Hein, c'est quand ça veut pas, ça veut pas. Quand hein. Ça veut pas, ça veut pas. C'est clair. Il y a un moment, faut s'arrêter. Sinon, on avait demandé aussi où est-ce qu'on allait là le 7 mars, le 8 mars, pardon. On va manger des cookies chez la mère Atoff. Au Havre. Non, pas du tout. Vous êtes cordialement invité. Non. On va au Caliente le 8 mars. Voilà, c'est au Havre. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus. Et on sera au Wiz le jour avant. Ce sera vendredi le 7 mars. Et c'est là du... c'est dans le 62. Le voilà. Caliente, c'est quoi, c'est du reggaeton? Non, c'est j'en sais rien. C'est une boîte. On sera là-bas, voilà, etc. Toi va danser avec Natacha qui posait la question. Et puis voilà. Le prince avec Ellie, le polo est en train de huiler le corps. Et le corps est huilé. Son plus beau slip en cuir. Est-ce une véritable préparation pour le psy de l'émission. Est-ce que le stagiaire peut venir me poudrer le membre? Bien sûr, sexe, évidemment, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Pas celui-là là-bas, le moche. L'autre. Non, mais te retourne pas le moche. Voilà. L'autre, le plus laid. Nous voilà, encore voilà. Plus laid, exactement. Que bon, et je rappelle également qu'il y a les t-shirts comme un air de rock que je vous offre toute la semaine. Si vous voulez le gagner, il suffit d'aller faire un like et un partage sur le Facebook de l'émission. Je vous ai mis le post tout à l'heure. Et puis on va tirer au sort dans une petite, toute petite dizaine de minutes. Bon, allez hop, facebook.com/MIKL officiel. Et puis il y a Miko qui est toujours avec nous. Là, Miko qui nous avait appelé parce qu'il a rencontré sa meuf sur un chat. 4 enfants et le problème c'est qu'elle est en couple et elle ne se décide pas. Alors il y a Momo également qui est avec nous d'Annecy là. Salut Momo. Salut. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Très très bien Momo. Bon alors toi t'appelles parce que explique-nous peut-être pourquoi t'appelles Momo. Parce qu'il habite dans une boîte en carton, écoute. Oui peut-être. Ouais. Ouais, non, c'est pas ça, c'est parce que je suis au travail en fait. Ah d'accord, ok. Et non, tu emballes des cartons. Voilà. Explique-le. Voilà, la nuit et les machines elles font beaucoup de bruit, c'est pour ça. D'accord, ok, très bien. Bon alors vas-y Momo, t'écoute. Ben voilà, en fait, c'était pour parler des effets un peu de l'alcool, en fait. Ce qui m'était arrivé une fois, c'est que je suis dans la voiture avec des copains, je leur dis que j'ai envie de vomir. Le chauffeur me dit, tu vomis surtout pas dans la voiture. Ouais. Mais le problème, c'est que quand j'ai ouvert la fenêtre pour gerber dehors, en fait, on était à 130 km/h sur l'autoroute. Ah, c'est bon, donc t'as tout pris dans la gueule, quoi. Donc, ça, en fait, c'est bon. On s'est pris une grosse tornade de pizza dans la voiture, et puis... c'est le retour, c'est pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir assez, hop là, c'est reparti, tu remets une petite couche gratos quoi. Voilà, c'était en plus costard et tout, bien sapé, on va voir les filles, en fait on n'a rien vu du tout, on est rentré chez nous puant et puis voilà. Quelle angoisse. Non, c'était horrible. Ah, tu m'étonnes. Bon, mais bonne histoire, hein. Je pense que je peut-être pas la meilleure histoire, mais elle est pas mal. Bah, c'est la première pizza tournante, la première tornade de vomi, on va dire. Ouais, une petite tornade de vomi, comme ça, c'est plutôt cool, effectivement. Voilà. Eh ben, merci, Momo. Mais de rien. Et tu reviens quand tu veux, Momo. Bah, écoute, ça me fait plaisir, et puis bonne soirée à vous, et puis continuez comme ça, vous êtes trop cool. Je voulais juste faire une petite dédicace, c'est possible? Bah, bien sûr, vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Dédicace à Samba, c'est un super pote du travail, il assure trop bien, et voilà, c'est tout. Très bien, et le message est passé sans problème. Salut, danse bien, Samba. C'est drôle, ça. Comment? Voilà. Non, il lui a posé une question de con, Momo. D'accord, t'inquiète pas, c'est Polo, c'est pas grave. Salut, Momo, à bientôt. Allez, ciao. Ciao. Bon, Miko. Oui. Bon, du coup, c'est à croire que personne n'a jamais rencontré quelqu'un sur Internet. Autant pour les vomis, là. Là, il y avait du monde. Là, il y avait du monde. Autant là pour les rencontres sur le net, là. Si, attends, je viens de me rappeler d'un truc. Il y a très longtemps, un ami à moi m'a obligé. Once upon a time. Elle m'a obligé à aller sur Mythic. Ouais, elle m'a obligé. C'est la plus mauvaise excuse du monde. Mais non, parce qu'il me dit ouais, vas-y, c'est marrant, c'est drôle, tu vas te marrer et tout. Effectivement, il y a des alors il y a des trucs, c'est mémorable. Il y a je vous raconterai d'autres histoires. Et là, il y a une fille un peu âgée qui voulait me mettre le grappin dessus et 65 tout. 65 ans? Non, elle avait 47. Ah oui, quand même. Ouais, et elle avait des enfants et tout, donc ça m'a kéblo ah direct. Ah bah comme du coup. Et donc je l'ai rencontré. J'ai pas eu de feeling plus que ça et puis voilà ça s'est arrêté là quoi. On s'est raconté nos histoires de ah mais tu l'as pas cassé les pattes arrière. J'ai rien cassé du tout, je pouvais pas. Mais alors rien. Moi je pensais que tu avais cassé les pattes arrière. Ah non mais il y a une rencontre, j'ai rencontré mais j'ai jamais je pouvais pas. D'accord, donc il y a eu une rencontre et une rupture d'un coup. Ah ouais, vite fait direct. Une heure, deux heures. Ah ouais, quand même, je suis comme ça, moi, relation relativement rapide. Ah non mais écoute Miko, sincèrement après il y a eu des messages qu'on a lus hein, au fur et à mesure de l'émission, mais il y a un moment Miko là, faut lâcher l'affaire. Attends, écoute, elle est avec un mec, elle a quatre gosses. Enfin, déjà. Mais le cas, c'est qu'elle me kiffe. Elle me kiffe quand même. Mais non, mais mec, et en plus, attention, pour ceux qui viennent de débarquer, effectivement, ils ne se sont jamais vus. Ça se trouve à Schlingue, tu vois, tu vas dire, oh, mais elle est dégueulasse. J'ai des photos d'elle. Hein. Ouais, mais non, mais d'accord, aussi, hein. Mais attention, franchement, bon, ok, c'est difficile, mais on peut arriver à mettre Tof sur une photo. Ouais, je peux ressembler à quelque chose de bien. Moi, j'envoie des photos de Brad Pitt, hein. Quand je fais des trucs comme ça. Non mais c'est vrai, faut dire les choses. Abandonne. Il envoie Jared Leto lui. Ouais. Jared, j'adore le pizza de Lugum. Lugum avec ton. Voilà, avec ton. Non, pas ton. Pas ton, non. Sans ton. Sandstone. Non mais tout ça pour dire que ok, t'as vu des photos, etc. Mais tu l'as jamais vu. Elle habite où par rapport à toi? Elle habite à Montpellier. Et toi, t'habites à Strasbourg? Bah oui, bah c'est ouais, bien, en plus c'est juste à côté quoi. Mais c'est bien. Mec, elle est tombée. Non mais attends, elle a 4 gosses, elle habite à l'autre bout de la France. Schlingue et tout, laisse tomber. Mais tu sais pas. Bah, le problème c'est que moi j'ai du mal à lâcher parce qu'on téléphone encore de temps en temps. Tu l'as jamais vu? Mec, bah, tu l'as jamais vu. Je sais bien, tu lui as même pas encore mis un doigt. Oh, Tof, quel rapport. Ouais, pas maintenant. Bon, try Tof. Before you, je sais plus quoi là. Ouais, c'est ça, c'est. You buy. C'est try before you buy. Voilà. Mais non, écoute, moi je serais toi, je lâcherais l'affaire. Mais ouais. Après, tu fais comme tu veux, je suis pas ta mère. Trouve-toi une gonzesse de ton coin, soyez heureux, ayez beaucoup d'enfants. Si tu veux, je te donne le numéro de Tof, tu l'appelles comme ça une fois par jour et puis vous prenez des nouvelles. Génial. Ouais. Bah moi, voilà. Moi, je suis d'accord. Tu m'appelles, je te raconte des histoires. Hey, c'est pas. Hey, non, mais sérieusement, elle est mariée, elle a des enfants. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, mariée. Elle est en concubinage, c'est pareil. Pareil, mec. Et tu l'as jamais vue. Vas-y, laisse tomber. Vas-y, tu peux me faire plaisir. On est des potes. Hey, on est des potes ou pas? Ouais, franchement, ouais. Eh ben, vas-y, laisse tomber. Moi, voilà. Je suis ton pote. Surtout que ça fait des années que je suis. Hein. Ah bah en plus, tu vois. Mais donc, attends, tu sais qu'on est de bons conseils. T'es derrière nous toute la journée dans la rue. Ouais, toute la journée, il nous suit derrière dans la rue. Pour ça, j'avais vu un mec bizarre là. Faut passer là. Effectivement, bah, je pense qu'on l'a trouvé. Maintenant, c'est Miko. Ouais, le DJ aussi. Voilà, exactement. Ouais. Bon, Miko, tu lâches l'affaire. Ok, ça marche, pas de soucis. Mais en tout cas, franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Eh, Miko. Ouais. Écoute-moi bien. Si jamais tu rappelles ou qu'on t'appelle. Et qu'on se rend compte que t'as pas lâché l'affaire. On t'égore. Je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te mettre ta croix. Y'a pas de soucis, tu sais, voilà. Bon. Quand tu veux. Eh ben très bien, parfait, c'est noté. Voilà. Salut Miko, merci à toi en tout cas, tu reviens quand tu veux. Ciao, ciao. Allez, à bientôt, ciao Miko. Bon, on va faire le tirage au sort aussi dans quelques minutes là pour savoir tout simplement qui repart avec le t-shirt comme un air de rock. On va également dans quelques minutes faire le top tweetos. Bien sûr. Eh bah ouais, on va faire ça dans quelques instants. Et puis on va se mettre le chant. On va se mettre le chant, y'a pas de problème. Y'a que moi qui peux le faire parce que je suis portugais. Ah d'accord, voilà, donc ça, moi, c'est réservé aux gens. Exactement, c'est réservé à l'élite. Ah d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, Nos Limites. On Fun Radio. Et on va se faire pour le compte le reste du monde juste après le son d'Avicii maintenant. Addicted to You sur Fun. I don't know just how it happened. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah ah. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, et évidemment que vous allez kiffer, en tout cas je l'espère. D'ailleurs, prévenez vos potes également, hein, qu'il se passe enfin un truc le soir à la radio. 23h, 2h sur Fun Radio toute la semaine, et puis le dimanche de 20h à minuit, il y a Sarah qui dit: moi j'ai rencontré mon copain sur Adopte un mec, aujourd'hui ça fait plus d'un an qu'on est ensemble, donc parfois oui, internet c'est cool. Ouais, mais bon, Sarah, ça se trouve ça va s'arrêter dans 6 mois, on sait pas. C'est mignon quand même. Enculé. Benji également qui dit: les histoires de polo, j'adore. Malory qui dit: moi je veux un t-shirt comme un air de rock. Grrr. Bah oui Malory, mais il faut jouer. Si tu couches avec moi, je t'en offre un. Ouais, mon polo @funradio.fr. C'est ça. Manga Bailoï qui dit: full radio, la radio au poil. Et il y a couche tôt. Attends, c'est quoi? Couche tôt, viens me réveiller en mode Mickaël, trop de kiff. Pour vous les mecs, mort de rire, le truc Radio Foon. Et puis Laura qui dit: Mickaël, peux-tu dire à Toff que c'était moi à 20h quand il me pose la question si vous êtes le père de mon enfant? J'ai rien compris, Laura. Frédéric qui dit: bonsoir, je pars du principe d'être fidèle à moi-même, et comme Dieu a dit qu'il faut partager, donc je partage mon amour à toutes les femmes. Oh, c'est beau, à toutes les femmes même. Il y a Jonathan également qui est avec nous là, de Haute-Savoie. Salut Jonathan. Salut, ça va? Eh ben bien, et toi? Bah écoute, tranquille, je voudrais réagir par rapport à des trucs que j'ai entendus il y a quelques minutes là. Ah ouais, par rapport à la monogamie, etc. etc. Bah ouais, il y a des mecs qui peuvent pas se passer des femmes plus de 15 fois dans un mois et... Non, tu mélanges tout, c'est l'auditeur qui était passé qui avait dit qu'il avait déjà trompé en un an sa meuf 15 fois. Exactement, mais moi je pense que c'est pas de l'amour ça. Ah bah non, je confirme. Non, c'est du quand sexe. On aime, hein. Quand on aime quelqu'un, c'est à la vie, à la mort, tu vois, c'est dans le sang, c'est, ouais. C'est partout. T'as le droit voilà, de bourrer de temps en temps. Moi j'aime quelqu'un depuis 10 ans, j'ai jamais rencontré, mais pourtant je l'aime quand même. Attends, bizarre d'aimer quelqu'un que t'as jamais rencontré. T'es mort, t'es avec quelqu'un depuis 10 ans et tu ne l'as jamais rencontré. Non, je suis pas avec quelqu'un. J'aime quelqu'un. Ouais. Depuis 10 ans et j'ai jamais rencontré parce que j'ai jamais osé l'aborder. Ah ouais, mais il va falloir y aller. Ah, il y a un moment, faut s'enlever les doigts du cul, clair. Hein. Bah c'est clair. Attends, essaye ça. Mais quand il va dans un vagin. Pour voir. Mais moi, voilà, quand il j'entends les gens dire voilà, je suis avec une meuf et puis je l'ai trompé 15 fois, c'est pas de l'amour. Alors c'est que toi, ça fait 10 ans que t'essaies d'avoir la même et t'arrives pas. Et bien sûr, bah, tu l'as jamais trompé. Ouais, bah clairement, ouais. Bah oui, mais mec, mais pourquoi tu vas pas là? Faut y aller, mec. Parce que j'ai la trouille. Mais t'as la trouille de quoi? Au pire, tu rates, il va arriver probablement, mais tu peux passer à autre chose. Attends, coupe ta radio. Parce que c'est de l'amour, j'ai peur, voilà. Bon, et tu vois, ça, Jonathan. Oh là là, Jonathan, on te reprend demain, Jonathan, parce qu'en plus il a la radio derrière, c'est-à-dire qu'il répond avec 2 heures de retard. Bon, on va te reprendre demain, Jonathan. Lucille également, Lucille de Nancy, là. Bonsoir, ma chérie, comment ça va? Bonsoir, Mickaël, ça va et toi? Ça va très bien, Lucille. Bon, hey, dis-moi, Lucille. Lucille. T'es en train de te masturber? Lucille. Hein? Non, je ne masturbe pas. Bah, pourquoi? J'ai une grosse queue. Lucille, touche-toi un peu, j'aime pas. Ouais. Touche-toi laisse-moi un peu, là. Jouir. Laisse-moi jouir. Vas-y, n'hésite t'es pas. T'es une belle salope. Oh, oh tof. Ah non, mais ça, c'est Jean-François qui veut que je vous dise. Bon. Ah oui, ça, je oui. Bah oui. Je mets ma main entière dans ton vagin. Bah, tant mieux. Bon, Lucille, tu voulais nous parler de quoi? Bah alors moi je voulais vous parler, en fait je voulais réagir, enfin vous avez posé la question en fait, quel genre d'homme on aimait. Polo, c'est ça? Oui, je sais. Non, pas du tout. Si, c'est ce qu'elle est. Donc? Et donc bah en fait bah moi bah je voulais dire que voilà, j'adore les hommes au lit qui sont bestiales, genre bizarre. Sympa. Ah écoute, en même temps c'est Jean-François. Hein. Ah oui, non, mais je sais. Je suis bestial. Hey, je suis bestial, moi je tire les cheveux, je griffe. Non, génial. Ah, ah, bah, envoie-moi un mail à polo@funradio.fr, on va s'arranger. Mais oui, c'est ça. Je mange. Ah bah nous voilà rassurés. Et Lucie, combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu? 48 kilos. Ah parfait. Quel est ton tour de poitrine? Faut un peu manger maintenant. Hein. Pardon? Quel est ton tour de poitrine? 90 C. Oh là là. Ah oui, alors c'est comme couille. Et, oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Pardon? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Attendez. Je suis en train de masturber, je bande. Bah oui, j'imagine. Oui. On bande là. Bah oui, complètement. Ouais. Dis-moi. Funradio.fr. Encore une question, Lucille. Oui. Oh, tu aimes le sperme. Gilou, t'es vraiment un gros porc. Ouais. Est-ce que tu pourrais me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Non. Voilà. Pardon? Attends, j'ai encore mieux. Et tu aimes faire pipi dans la bouche, non? Oh. Ah oui, c'est... Ah, tu cherches un mec bestial. Oh, Gilou, attends, sinon il a encore une question. Je ne sais pas trop fort si je te serai aussi fort que je t'aime, puis je te ferai chier comme une vache. La bête dans toute sa splendeur. Tu aimes te faire poser le gaz? Bon, Lucille, on te reprend demain si tu veux, d'accord? Oh. D'accord, mais pas de problème. Parfait. Oh, arrête de me faire manger. Oui, enfin bon, Gilou, on va pas s'y mettre à deux, parce que si on a Jean-François et Gilou en même temps, je pense qu'on est dans la merde. On te reprend demain, Lucille, d'accord? Ok, pas de problème. Bon, bonne soirée à vous tous. À demain, Lucille. Par contre, est-ce que c'est juste possible que je passe une dédicace? Bah demain. Demain? 5 euros, je te donne mon compte PayPal. Non, polo@funradio.fr. Bon, allez, vas-y. Dans Polo contre l'Est du Monde, c'est gratuit. Mais oui, c'est ouais, tu vas la raccrocher. D'accord, mais bah, je voulais juste donc passer une dédicace à ma sœur Shenasi, Shenaga et Laura et Sashka. Je leur fais des gros bisous. Ouais. Et voilà, bah, je vous fais des bisous aussi à vous. Parce que vous m'avez fait rigoler toute la soirée. Oh, c'est et génial, j'étais génial. Je te sucerai le sang et tout. Voilà, pas de problème, Lucille. Gros bisous à toi. Voilà, bah gros bisous, salut. Salut. Oh, arrête de me faire manger. Oui, bon, bah, elle est partie, là, tout va bien, Gilou. Bon, gros bisous, à demain, Lucille. Bon, et si on se faisait cette magnifique, grande, énorme émission, qu'est le Polo Against the Rest of the World? Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, Nos Limites. On Fun Radio. Et bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio, on commence tout de suite avec... qui est là? Adrien? Oui. Non, c'est Tim, Adrien. Oui. Salut Adrien, qu'est-ce que tu veux? Mais faudra arrêter de te taper top tout le temps. Je comprends pas ce que tu dis. Tim. Tim. Tim. Allô Tim. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un collègue à moi au McDo, il a la même voix que toi. Super, ça m'intéresse. Oh là, c'est génial. Ce soir, je pense qu'on est soirée mongole ce soir. Morad. Allô, Morad. Morad. Ah bon, Morad, il faut que je l'appelle maintenant, c'est extraordinaire. Bon, je lui raccroche au nez, ils vont pas me gonfler. Adrien, le retour. Oui. Hey, le standard est blindé, n'appelez plus. Je t'écoute, Adrien. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Oui, il faudra arrêter de prendre top tout le temps. Hein. Mais c'est quoi? Attends, Adrien, qu'est-ce que c'est que cette voix de merde que t'as déjà? Elle est mieux que la tienne en tout cas. Ah d'accord, c'est tout ce que t'as à dire, Adrien. Bon, non. Qu'est-ce qu'il y a avec Toff? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a? Faudra arrêter de le prendre tout le temps. Mais le prendre, jouir, là. Le prendre, c'est-à-dire? Bah, par derrière. Mais je ne couche pas avec Toff, je ne suis pas un cochon. Moi, je ne touche pas à tout ce qui est masculin. Je n'aime pas ça. Tim, le retour. Tim. Je crois qu'Adrien a la raison, hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont cons ou quoi ce soir? Le Flamand. Ya, oui, allô. Bonsoir, le Flamand. Oui, bonsoir de Polo. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, j'écoute ton spectacle. Voilà. Ouais. Et je n'ai pas compris. D'accord, ok. Le sac à merde dans Polo contre le reste du monde. Ouais, espèce d'enculé. Ouais, sac à merde. Dis-moi, je voulais te dire que ton émission, c'est vraiment de la grosse merde. Merci, le sac à merde, c'est tout ce que t'as à dire. Non, bah c'est de la grosse merde, alors si tu pouvais me laisser parler un petit peu, là, au lieu de faire ton cinéma de merde, là. Bon, allez, casse-toi, le sac à merde. Adrien, le retour. Oui. Bon, je t'écoute. Bon, tof, bababa, bababi, mais et après? Ouais, moi je vais chanter le générique avec toi. Non. Tim, le retour, c'est un peu mou aujourd'hui, vous êtes un peu mauvais les auditeurs, essayez de vous réveiller un peu. Tim? Adrien a la raison, tu devrais arrêter avec ta femme. Oh là là, mais toi t'es un perroquet en fait, c'est ça ton métier? T'es perroquet? Non. Si, c'est ça? Non, non. Ok. Non. Le flamand, le retour? Oui. Goedenavond. Ja, goedenavond, hein. Hoe gaat het met u? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Je comprends du rien. Ja, dames en heren. Ja. En? Tu sais, je connais quatre mots. Te huur en te kop. Ah, oui, tu vendres ton maison? Oui, c'est ça. Ah, oui, oui. C'est bien du chez toi? Ouais, bon, qu'est-ce que tu veux, le flamand? Tu n'as pas compris quoi? Vas-y, attends, je vais prendre quelques instants. C'est du combien de pièces, toi, chez toi? Bon, hé, tu vas fermer ta gueule. Vas-y, qu'est-ce que tu veux exactement? Je vais te donner un peu de mon temps précieux. En fait, je voudrais comprendre pourquoi c'est comme le gens, ils appellent. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tu dis... tu dis du merde. Je dis pas du merde, je parle avec les gens. Ah oui, oui, oui, oui. Mais eux, ils disent du merde. Voilà, c'est ça, le flamand. Le sac à merde. Polo? Ouais. Bon, excusez. Quoi? Je me suis chié dessus. Ah, bah, pardon. Adriane? Oui. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah, que t'arrêtes de te prendre top. Stop. Je vais faire une petite pause, je vais respirer. Et je vais tous vous dégager. Pour terminer, ce polo contre le reste du monde, le sac à merde. Polo, est-ce que tu pourrais éventuellement m'envoyer la pochette de l'album des Magic System pour que je me torche le fion? Tu préfères pas le t-shirt de JB? Si, tu peux me filer le t-shirt de JB aussi. Et ça coupe de cheveux. Je prendrai les deux, pas de problème. Ok, salut le sac à merde. Oh merde, pardon, je t'ai raccroché au nez. Tim? Ouais, je veux que tu fermes ta gueule. Allez, casse-toi d'ici, c'est toi qui fermes ta gueule, c'est moi qui maîtrise l'appareil. Adriane? Oui. Qu'est-ce que... Oui, termine la conclusion. Bah arrête de taper toi. Oh là là, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle est conne celle-là, c'est pas possible d'être aussi con. C'est possible? Bah non. Bah je sais pas, j'ai un message du sac à merde, apparemment tu l'as coupé trop tôt. Ah bon? Ouais. Mais je l'emmerde. Le flamand pour terminer? Oui, donc en fait si je veux, je reviendrai et je dire du merde tout le temps et tu aimes ça. Mais tu es vous êtes tous les bienvenus. C'est un moment de détente, un moment pause déjeuner ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Bon, allez, casse-toi le flamand, ainsi se termine Polo contre le reste du monde. Vous êtes toujours sur Fun Radio, je rends la parole. Oui, c'était pas des fois qu'on se soit bavard, on s'est bien rendu compte. Je vous rends les studios. Ah bah merci beaucoup, très bien, allez, casse-toi là, hop là, une bonne chose de faite, c'est parti là. Bon, allez, on termine l'émission, 2h07 du mat, on va appeler le gagnant ou la gagnante maintenant pour le t-shirt comme un air de rock, on vous en offre tous les soirs. Je rappelle que vous pouvez les acheter aussi si vous voulez, taper le code MIKL No Limit et vous avez 25€ de ristourne, je crois, donc c'est plutôt pas mal. Ah, c'est pas mal. Bah oui, il suffit d'aller sur le Facebook. Allô, bonjour, qui est là? Oui, bonjour, c'est Fabien. Salut Fabien, tu t'es inscrit pour choper un t-shirt comme un air de rock? Ouais, c'est ça. Bon, bah on va t'en filer un, tu veux lequel? Je vais aller celui avec la tête de Mickey. Celui avec la... hey, il est bien, j'adore. Celui avec la tête de Mickey cartonne, celui que j'ai d'ailleurs sur la photo si vous voulez le voir. Facebook.com/MIKLOfficiel, vous pouvez aller voir, il est plutôt cool, il est plutôt cool. Eh ben on va t'envoyer ça rapidos avec plaisir du coup. Bah avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux, d'accord? D'accord, ok, merci. Salut, à bientôt. Salut. Ciao. Allez, bye. Et puis top tutos également pour terminer. Hein, j'avais dit qu'on offrirait le sextoy offert par passagedudésir.fr. Quelle voix off de merde. Oh, ouais, meilleur. C'est quand même scandaleux. Hein. Bon, et donc on offre le sextoy au numéro 1, sauf si le numéro 1 a déjà gagné, à ce moment-là on ira au numéro 2, ainsi de suite. Le numéro 5. Le prince Nadia. Numéro 4. La petite fée. Numéro 3. Cédric. Numéro 2. Julien. Et numéro 1. Secret Key. Ah bah elle a pas gagné Secret Key, je pense. Non, je encore. Crois qu'elle a pas gagné encore. Ben voilà, bravo Secret Key, un beau sextoy que tu vas pouvoir utiliser dans ta chatte. H24, voilà, offert par passagedudésir.fr. Voilà, bah après on fait ce qu'elle veut évidemment. Bon, et avant d'accueillir le plus mauvais du monde, le générique de fin. Ouais, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucé, toi l'enculé. T'es un petit cœur, ton cul, ton oncle. Qui cocu comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car ton cul, ton cul, ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car ton cul, ton oncle, toute la journée. Je maîtrise ce morceau. Voilà, fils de putain même. Tellement que je vais te violer, après je vais te chier à la gueule. Tu dois y aimer les bons casques militaires dans ton cul, toi. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une grosse queue. Mets-toi un bonhomme, vas-y. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Pour ça, c'est joué. T'es en train de te masturber? l'étoile, enculé, l'étoile, enculé, l'étoile, enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitofs, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Bah une bonne de fête là. Tiens, on s'est mis bien là. Ouais. Merci à Gaëtan qui a envoyé son message là. Qui dit je viens compter les têtes de cons avec vous. Ah bah très bien Gaëtan, bah, t'inquiète pas, il y en a que 3 dans le studio donc ça ira très vite. Bon, et merci à tous les autres qui étaient connectés ce soir évidemment sur le Facebook, sur le Twitter de l'émission là. Ce soir vous avez été nombreux à participer à l'émission. Bah, merci beaucoup en tout cas. Beaucoup d'inquiétudes hein, par rapport à JF. Des gens pensent qu'il est décédé, mais non, on va essayer de récupérer. Mais oui, on l'appellera demain. Bah ouais, j'ai des auditeurs aussi qui pensent que JF est décédé dans son vomi. Non. Oh non. Comme il était un peu bourrasse hier. Bon bah écoute, en tout cas j'espère que non, quoi qu'il en soit. Passez une bonne nuit en tout cas, on se retrouve demain à partir de 23h. Pour bien comprendre, Mickaël No Limit, c'est... Excusez-moi, on a été coupé madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barder. Mickaël No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et c'est notre ami JB qui arrive. Oh le bouffon. JB dans les bouffons. Oh polo. Oh polo. Pourquoi tu t'as dit le bouffon? Parce que hier, alors je vais vous raconter. Tu veux faire le malin? Hier il m'a touché la cuisse et il m'a demandé, parce que comme je me suis un peu rasé le crâne, il m'a dit oh t'es beau comme ça. Et tu me trouves mieux comme ça ou avec les cheveux et la barbe? Il m'a dit oh j'aime les deux. Et puis après il m'a dit mais tu suces des bites des fois? Non, si tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça JB. T'es vraiment enculé. JB, je me lève, je te mets une baffe. Bah viens. Ah d'accord, bah vas-y. Attends. Il cherche là. J'ai dit polo. Polo. Non, attends. Une fessée. Donne-moi tes fesses. Vas-y. Attends, on fait mal. Arrête. Ne me fais pas mal. Non, fais-en une vraie. Non, fais-en une vraie. T'en as fait c'est plusieurs. Fini, on veut pas que ça rate. Allez, vas-y. Attends, on n'entend pas. J'y vais. Bah, attends, c'est attends, bon. Attends, je coupe la musique. Vous êtes prêts? Attends. Mais regarde, après il filme en plus. Ça fait le mec. Voilà. Vas-y. Il va se branler, ouais. Ah, les pieds dégueulasses. Oh il a kiffé. Mais oh mec, le cochon il a mais kiffé. Ouais j'ai aimé. Oh là là là là là là là là là là. Ah il a kiffé. Refait. Hein. Oh arrête. J'adore. Oh, quelle horreur. Vous mettez pas cette vidéo sur le web évidemment. Ah bah non. Sûr que si. Ah bah compte dessus. En plus c'est bien parce qu'il y a rien à remonter. Elle sera dessus dans un quart d'heure. Hein, donc oh, je peux te dire qu'on va se mettre bien là. Non je t'aime JB, je t'aime beaucoup. Bon donc ouais. JB qui nous a prévu quoi ce soir au programme? Bah de l'amour, des vannes. On commence avec quoi? Ah bah je sais pas. Des vannes. La vanne. Avec quoi tu veux commencer? J'ai plus la prog, attendez. Porte quoi. Genre il glisse avec voilà, la chaise. C'est quoi JB? Bah j'ai Dimitri Vegas. Ouais. Ouais. Après j'ai DJ Fresh et Deoro. D'accord. Alors il faut faire gaffe parce que Deoro, je l'ai fait. Voilà, plus de vannes maintenant, c'est terminé. On arrête les vannes. Stop the van. Stop the van. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Stop the van. Qu'est-ce qu'il y a Polo? Mais non, c'est pas verrouillé. Non, arrête de parler. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Polo? Rien. Ah, ah bah voilà. C'est une vanne de merde. Tu vois, t'es pas verrouillé. Lui, il est verrouillé, par contre. Bon, allez hop, on va se quitter avec ça. Tiens, c'est parfait. Hein. Stromae. Remets-moi le micro. Mais c'est là, Stromae. Hein, Stromae, ça va? Ouais, parce que... Ouais, hop là, c'est parti. Ouais. Il n'entend rien. Stromae avec ta fête. Allez, bon courage avec JB jusqu'à 6h du mat. Vous allez voir, ça va bien se passer. Fini l'heure de danser dans...